Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Y'a une bière sur la table. Non, je tiens à l'anus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel apéro original. On est un petit peu cuit. Live par un live. On est pas ça du tout va, cuit. Une bière. Non, une bière et un whisky. Non, oui, c'est bon. Ça va. Tu l'as même pas fini, ton. J'ai pas pris de whisky, j'ai juste pris un doigt. L'histoire de ma vie. Donc, on est toujours en compagnie de Gandalf 81. Bonjour à vous. De Lulu Siraptor. Oui, bonsoir. Non mais on est toujours pas la nuit hein. Ah oh bah si. De Wish. Ouais, salut. Et de Asto. Salut. Tout simplement. T'as vu, je prends toujours la même intonation que les caisses rock and jam. C'est quand même étonnant. Je sais pas, j'écoute pas tes podcasts. Qui écoute les podcasts de Gandalf? Voilà. Merci aux éditeurs qui sont aussi en live. Voilà, parce que pour une fois, on est moderne. C'est ça. Hashtag apéro original ou at apéro original? Plutôt at apéro original parce que y a personne qui drague le hashtag actuellement. On fait chier bordel, bande de cons. On mettra ça un jour en place. Non mais faut évoluer petit à petit. Mais bien sûr. On fait les choses step by step. Exactement. C'est ça. Alors du coup les rappels de vigueur, donc on est diffusé sur Pod Radio, je sais pas quelle heure et quelle chaîne. Parce que tu peux faire un mélange de deux mots, ça les gens ils comprennent pas. Des trois. Voilà, donc allez sur Pod Radio pour découvrir des podcasts. Non mais c'est chaud parce que je suis là, je suis présente avec vous et je comprends rien, alors j'imagine les gens... Parce que en fait, Pod Radio, alors pour expliquer un petit peu, c'est vrai qu'on le fait pas assez souvent. C'est un site internet qui diffuse des podcasts comme si c'était à la radio. Donc okay. Avec une grille, différentes channels. Alpha, Beta, Gamma et Delta. Et Delta. Ouais. Il y a toujours un apéro original. Et voilà, on est diffusé dessus à... Je peux te le dire, mais ça... Et bon, peut-être voire même... Ça change tout le temps. On change de canal, on change de jour, de d'heure. Vu qu'on ça change normalement tous les mois et qu'on enregistre 3 épisodes tous les 3 mois, d'un seul coup, du coup, on ne sait pas où est-ce qu'on est quand on est diffusé. Hop. Actuellement, la dernière fois, on était sur le canal Alpha, mais En fait, la seule fois, on a vraiment dit l'horaire, en fait, ça... C'était la première fois. Pas du tout ça, en fait. Tout ça, en fait. Donc du coup on a arrêté. Et de toute façon si les gens qui nous écoutent, ils nous écoutent. Toi là on est sur le Alpha. C'est logique. À ce moment-là. T'as vu comment on me rendait pour les dossiers. Le samedi à 5h15. Voilà. Ok. Tout ça. Et il y a tout ça en ligne. Voilà. Donc voilà pour. Et nous comme on est balèze, on n'a jamais la même taille. De durée. C'est à peu près. C'est une heure et demie. Je crois que c'est du 2h et t'as le créneau qui est compensé après par de la musique libre. Autre rappel, donc Podren, qui est un événement de podcasteurs et de podcasteurs, mais pas forcément l'un dans l'autre et les deux concuminants. Ça serait bric ou pas. Voilà, c'est ça. Entre podcasteurs, parce que ça c'est bric entre podcasteurs. Ouais, mais c'est les deux en fait. Si vous voulez venir pour découvrir, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous pouvez aussi. Ça veut dire aussi. Que peut-être nos auditeurs ils vont venir et vont nous donner de l'argent. Bah déjà il y a le Milou. Ah oui, c'est vrai. Donc il vient déjà en fait. Donc, C'est vrai. Ouais, mais lui je pense qu'il voudrait plus faire des trucs avec Nathalie Dormer. Enfin, je pense qu'on voudrait plus faire des choses avec Nathalie Dormer nous qu'avec Milou, hein, même si je connais pas le Milou. Bah Milou, mais. Donc c'est le très 3 et 4 juin à Rennes, 8 allées Léon, je sais plus quoi. Loom. Non, c'est pas Bloom. À Rennes, mais allez sur podrennes.fr pour vous inscrire, il y a toutes les infos dessus. Pour faire des pod jam avec un certain ami qui est autour de la table. Voldemort. Ah, mais non, peut-être pas en fait. C'est vrai. Cette année, toi, avec ce qui se passe, quoi, voilà. C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est 3 et 4 juin. Allez-y, c'est gratuit et on se parle bien. Non, c'est marrant. On fera des éditions 2017 des sous-box si quelqu'un nous dira. C'est ça. Du coup, bah, on va. Droit d'auteur à du... C'est bien Houblon ou ça va Houblon. On va commencer déjà par le dossier de Asto. Un débat. Un débat, oui. Un do-quiz. Un do-quiz, documentaire, reportage. D'accord. Tout ce qu'on peut mettre. Donc on se fait encore avoir par Gordon. On se fait encore un dofé. rien à voir. Et on termine, bah, comme à chaque fois, par de la musique. Ah oui, petite musique de derrière les fagots. Oui, de derrière le... Derrière. Et là, c'est vraiment thématique pour cette session, parce que c'est de la musique calme. Enfin, vous avez mis deux musiques calmes, plus ou moins. Donc du coup, bah, j'ai mis une musique calme aussi. D'accord. J'ai mis du greencore. J'ai mis du speed metal. Et bah du coup, bah, on va commencer par le méchant. Ça va bien. Houblon. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! Et du coup, je vais donner. Bah, pas à toi, parce que du coup, tu gardes la même bouteille. Ouais. Elle a déjà commencé. Je vais donner à. Bah, tiens. À moi ? À Asto. Ah, oui, c'est ça. Mais ça avait pas été le dernier. Ouais, j'ai fait une feinte, je regardais Gandalf et... J'ai 81, perturbé 81, possédé, ah c'est possédé 81, ouais. C'est vrai. Alors je vais prendre une... Chair. Non. <Aussi. rire> Non, pas spécialement. Une chair à Alors une bière alsacienne de la brasserie indépendante Sainte-Cru. Ah, de la craft beer. Goûter l'orange mécanique, bière blonde satirique. Et pas bière sardonique. Oh. C'est pas la même. Ah, de suite, on n'est pas dans les mêmes couleurs que tout à l'heure. Hein. Ah, c'est pas la bière de Noël. Hein. Ah, c'est pas de la bière de Noël. On est au mois de février, c'est le mois des amoureux. C'est le mois. Non, bah, si. C'est la Saint-Valentin. Combien ? La quoi ? Je connais pas. Tu sais, c'est le moment où tu t'offres des cadeaux, mais. Voilà. Et comme j'ai la flemme, je passe à ma gauche directement. Monsieur Wish. Alors, moi, ça sera une bière. Une Ginger Pale Ale. Du calendrier de l'avant, c'est-à-dire qu'il a déjà 2 mois de retard. Ouais, voilà. Au moment où ça sera diffusé, on sera un peu à la bourre. Donc, c'est une boisson mêlant le gingembre d'Orient et le savoir-faire britannique. Attention, vu le gingembre, tu veux être chaud ce soir. Ouais. Qui c'est qui doit Donc, c'est une bière estivale aux saveurs exotiques. Une bière estivale en février. Ouais. Parce que bah, pour la fête du 14 février, ou du 11, je sais jamais. Ah, il fait trop chaud. Du 11 Le 14, ouais, c'est bien le 14. Il y a quoi le 11? Le 11, il y a rien. C'est le 14. Si, c'est l'anniversaire de mon cousin. Ah, bah voilà. Mais moi, le 14, c'est pareil, je fête quelque chose. L'anniversaire. Bon, après 4 coups de décapsuleur, j'ai réussi à ouvrir ma bière. Alors, visiblement, il y en a pas partout le mois dernier. Elle mousse pas autant. À noter que le sous-boc est encore en bonne gueule. Que la Saint-Félien de Noël. Mon dieu, je vais mourir. Et donc, bah ouais, c'est une paille. C'est comme un épisode. Très clair. Est-ce que ça sent le pipi ? Eh non ! Elle est pas blanche, mais... Mais c'est raciste. Non, c'est pas une bière blanche. Ah ! Mais elle est quand même claire. Et donc, je vais passer le décapsuleur de la destinée à Gandalf 80. Ah ! Parce qu'il va être très fier de nous présenter sa bière. Mais absolument, absolument. Vous savez, dans ce podcast, le bon goût, il revient de temps en temps. Il pas souvent. Pas souvent, au moins à chaque session, quoique ici deux sessions où le bon goût sera revenu. Donc forcément, je vais vous parler de la bière, ce qui fait que la Belgique est fière d'être la Belgique, ce qui fait que la bière est fière d'être la bière, bien évidemment, c'est Korsendonk. Korsendonk, qu'est-ce que donc c'est... Vendu. Donc vous savez, vous le savez, il y a très peu de temps, au mois de décembre, la bière belge est passée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et j'imagine que ça, c'est grâce à Corset. Obligé. Alors c'est la Carolus, tu vois. Voilà, c'est ça. Rien à foutre, rien à péter. La bière de l'empereur. Donc Corset donc a décidé cette fois de me léguer depuis le ciel une bière qui s'appelle la Pater Dubel. Donc Pater pour le Notre Père, bien évidemment. Et double parce que c'est une double. Ouais. C'est aussi con que ça. 6 degrés 5, voilà, et donc je vais décapsuler le bousé. C'est 4-5. Moi je pense que ça va être pas la même coloris. Elle est au miel, j'avais pas vu. C'est une honey ale. Oh, on a des confirmations sur les caractéristiques techniques de nos bières. A noter que moi, elle est interdite aux femmes enceintes, bien évidemment, et on avait oublié d'ailleurs, c'est la voiture. Non, un logo que je... Ah, c'est recyclé. On peut recycler la bière, voilà. Mais je peux la mettre dans ma voiture. La bouteille ou la bière? La bière. Je sais pas. Mais ça se trouve, c'est ça, c'est juste la bouteille qui est interdite aux femmes enceintes. Le contenu. Est-ce qu'il y a marqué interdit dans la bière? C'est le contenant ou le contenu? Non, maintenant, je vais faire passer le mythique décapsuleur du destin à... Ah, moi. Pour mettre la bière, il reste plus que toi. Non, on peut toujours présenter la même bière, mais bon. Mais je ne vais pas la présenter, mais je peux toujours la servir. Tu peux te servir aussi. Oui, mais. D'accord, ça fait un peu le son. Donc, moi, c'est une Martin's Pale Ale. Une Martin's Corset. Martin's Pale Ale, elle est. Brewed in Belgium, Anthony Martin, qui a 5,6. Et interdit aux femmes enceintes et petit bonhomme qui jette un truc dans une grosse corbeille. Ah, mais là, pareil que moi. Il faut pas la jeter dans la corbeille. Ah si, justement, il y a... Faut... Combien de degrés, t'as tu dis combien de degrés 5 ou 6. Elles sont bonnes en tout cas. Ouais, pour l'avoir goûté en préparant cet apéro, j'ai été agréablement surpris. Enjaillé. T'as été enjaillé. Seulement enjaillé. Bon, du coup, je peux pas vous dire la couleur parce que j'ai un vert jaune crade, vert, un peu jaune pisse, vert levrette. Levrette, bière de position. On peut pas aller à l'encontre de ses préceptes. Donc, Luciraptor va nous ouvrir sa bouteille. Et donc, le décapsuleur. Je passe pas le décapsuleur. Ouh, on va la même bière. Elle a été secouée entre temps. C'est qu'elle a été rouverte. Elle a été rouverte, du coup, elle a pas fait son joli pop. Les circonstances. Voilà. Ça, c'est un son qui finira dans un ASMR, à coup sûr. Voilà. Donc, pour avoir la présentation de la bière, CF à l'épisode précédent. Waouh, ça va nous faire plus d'écoute, ça. Voilà. Bien vu. C'est. Hey, la tienne, elle mousse bien quand même. Oui. Ouais. Et en plus, je pense que la lumière, elle a arrêté de passer à travers la lumière. C'est vrai que c'est très noir. La Guinness, Steve. La belle noire. Ouais. Non. Quand même pas, la Guinness, mais... elle mousse pas autant. Oui, ouais. C'est pas la même mousse. T'es trop costaud. Oui. Bah, du coup, on va pouvoir goûter. Bah, par toi, si goûter. Tu veux pas re-goûter. On va goûter. Bah, enfin. Goûtons la maintenant qu'elle est servie, faut bien la boire. Oui. Bon, moi, j'arrive même pas. La mousse est trop costaud. J'arrive pas. Ça monte pas. Ah bah rien qu'à l'odeur tu sens qu'elle est épicée mais alors au goût elle arrache. Hein. Oula. La ginger pale ale. Oula, c'est particulier. Ah moi il y a un petit goût de... De Ryanzi. Ouais, de café à la fin mais... Ah non moi la goût gingembre. Hein, Bière au café. Est-ce que c'est comme celle qu'on avait bu au début? Non, c'est une bière au gingembre. Hein. Là c'est... C'était vraiment au café. À l'arrache. Là non, c'est très belle couleur. Je pourrais sentir. Un petit arbre. Oh, ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment le gingembre confit. Quoi. Ben. Pour toi, rêve, hein. Elle fait. Elle sent le gingembre. Elle a goût à gingembre aussi, hein. Elle arrache. C'est chaud, ouais. Elle est vraiment épicée. Ah oui. Toi, tu vas pouvoir manger épicée. En même temps, je fais les deux à la fois, là. Ah ben, c'est sûr. Et du coup, je redonne à nouveau le décapsuleur à notre ami Gandalf. Oui, c'est fou. Il va nous déboucher un truc. Non. Alors, c'est aujourd'hui, enfin, comme il va tout à l'heure, on va avoir un épisode avec un peu, on va parler un peu pinard. Et donc, comme on va parler du vin de Bourgogne, j'ai acheté du vin de Gaillac. Voilà, mais oui, c'est clair. Mais oui, quitte à pas se respecter, autant s'en pas respecter jusqu'au bout. De toute façon, faut faire vivre le terroir, qui disait le monsieur. Donc j'ai acheté un Château Philippe 2014. Donc petite bouteille qui a déjà 2 ans. Moi je pourrais en donner un. Oui, mets ton chapeau à la guillotine. Ouais. C'est pas pour moi. Ah. Ça passera pas, essaye pas, ça passera pas. Oui, non, ça passera pas. Je vais y aller doucement. C'est très dégueulasse ces phrases comme ça. Oui, parce que. Ah, mais je du te coup... dis que ça ne passera pas. On va raconter le bonnet à l'audio. Donc on a eu un bonnet phrygien. On a eu un bonnet phrygien à la guillotine hier parce que c'était la bière mystère de. Chez VNB Castres. Voilà, parce que pas, et pas VNB Limoges parce que nous on se respecte. Après, je sais pas ce que vaut VNB Limoges. Bon bah y'a Milou qui y va, c'est Ok! Milou il y va, c'est que franchement, forcément, ça doit être bien. Parce que s'il nous écoute, c'est qu'il est bien. Toujours. Non mais c'est. C'est la caution féminine qui fait des écoutes, vous voyez. Bah oui. La petite touche féminine. Heureusement que t'es là. Mais c'est bon, maintenant ça passe. Ah, ça te va vachement bien. Ouais. Ah, putain, ça te va trop bien. Ah, mais c'est ça en fait maintenant. Le... Hier j'étais au VNB avec le présentateur. Très heureux, genre. Ouf, hein. Ouais. C'est la nouvelle règle. Ah, quoi? Le présentateur aura le chapeau, c'est tout. Okay. Mais moi j'ai le bandeau. Oula! Il a décapoté. On se croirait sur les trucs de fromage hollandais là. Non, voilà, le vin est débouché, on le goûtera tout à l'heure, je pense. Comme on va le laisser un peu vanter, faut toujours le laisser vanter. Château Philippe. Bah, je pense que de toute façon, avec la bière au gingembre là, je sentirais pas grand chose. Après, tu peux te nettoyer le palais avec ça, de l'eau. Ça nettoie le palais. Ah ouais, mais là. Avec de l'eau. Si tu veux, tu peux nettoyer ton palais avec de l'eau ou du whisky. C'est pas trop cher. Le côté épicé, piquant qui reste vachement en bouche quand même. Ça a l'air. Ouais, ouais. Elle est bonne, hein, mais. Elle est bonne, mais. Faut s'accrocher un peu, quoi. Et bah du coup sur ce on va passer au dossier de Monsieur Asto. Si je trouve le jingle. Alors du coup pour Lulu, l'ancien jingle. Ça. Merci Inspecteur Gadget. Après, merci Obama, merci Inspecteur Gadget. Putain, merci Inspecteur Gadget. Et merci Inspecteur Gadget. Boum, la Duchesse d'Aquitaine. Voilà. Donc, alors, le choix, ancien, nouveau. Ça n'a aucun rapport. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait changer de jingle. Ça n'a aucun rapport avec moi. Attends de voir mon jingle. Le ming est très à propos. Le dauphin, mon don de Dieu. Ah non, pas celui-là. Ok. C'est dommage. Bientôt toi aussi t'auras un jingle. Ah oui. Vous parlez de quoi? Oui oui, j'ai déjà un jingle. À partir de la troisième. J'ai un jingle moi. T'as un jingle. C'est quoi mon jingle? C'est un jingle. C'est ton, c'est le. Il y a plein de Sonic à la télé. Alors, mon dossier débat. C'est plutôt un débat. Déo et débat. Voilà. Et des fois je vis ma vinaigrette. je sais plus quoi. Ah putain, je vis ma vinaigrette. Je vis des hauts, je vis des bas. Je... Non. Si c'est des ça. Fois je vis des hauts. Des fois je vis des bas. Mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Donc, comme j'avais annoncé dans l'épisode précédent. Oh le teasing. Voilà. C'est très corporel. Je fais un enregistrement thématique jeux vidéo. Le gueux vidéo. J'ai donc décidé de faire un petit débat sur le jeu vidéo. Le dauphin. Est-il un produit culturel? C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir suite à une étude qui est sortie il y a quelques mois de cela. C'était vers la rentrée, le mois de septembre. Ils en ont parlé sur Pixel voilà. FR. Voilà. C'est du monde. Exactement. Qui classait plusieurs loisirs. Ouais, voilà. Du plus ou moins culturel, en fait, basé sur un sondage sur, je crois, un échantillon de 1500 personnes. Ouais, c'est ça. Un échantillon, ça va encore. Un échantillon de 1500 personnes. Et donc, le jeu vidéo qui était classé avant-dernier, au même niveau que les émissions de télé-réalité. Que Loana et Nabila et Débila. Voilà, et juste derrière, les séries télé. Au fin fond du classement. Au fin fond du gouffre. C'est-à-dire qu'ils pensent quand même que les Les téléréalités sont plus culturelles que les séries télé. Non, c'est moins culturel. Oui. Ce qui est logique. Les séries télé, moins culturelles. 5% de l'échantillon pense que la téléréalité est un produit culturel. 12% pensent que ça dépend. Ça dépend. Et 82% disent non. Les jeux vidéo, c'est 7%. C'est à peine 2% de plus. L'élément, enfin, le loisir étant considéré comme le plus culturel étant visiter un musée ou un monument. Où là, 84% des gens disent oui. Qu'on se fait chier. La science, 77%. Ensuite, les voyages, la cuisine, aller au théâtre. Aller au théâtre qui est moins culturel que la cuisine. Ouais. Question de point de vue. Tu vois qu'ils sont pas allés voir la Traviata, eux. La presse, écouter de la musique, lire des romans, jouer d'un instrument, aller au cinéma, la mode, le design, jouir d'un instrument, la photo, le cirque, les bandes dessinées et les mangas, le jardinage, le sport, la collection de timbres, surfer sur internet. Ah mais c'est sûr, allez sur égalité, réconciliation, c'est culturel. Danser entre amis, le rap, le hip-hop, les graffitis, le tag, les parcs d'attractions, la chasse et la pêche, les séries télé, le jeu vidéo et donc les émissions de télé-réalité. Pas de porno, visiblement. Puis au niveau musique, c'est très ciblé. Peut-être surfer sur internet, peut-être. Parce que je sais pas si une bonne pépite c'est culturel, mais. Je sais pas, mais bref. Et donc, suite à ce sondage qui avait été réalisé par le ministère de la Culture et de la Communication. Il y avait donc effectivement un article qui était sorti. Mais le Hellfest, c'est pas culturel, tu le sais. Qui était sorti sur. Bah oui. Tu vas là-bas pour sacrifier des vierges et boire des bières. Pourquoi vous sacrifiez des vierges? Pourquoi vous les tapez pas plutôt? Bah on fait les deux. Mais d'abord on les sacrifie. Mais elles sont plus vierges du coup. Bah, ah mais non. On les sacrifie pendant qu'elles sont vierges. Et après, oui, voilà. On les viole. Faut le faire dans le bon ordre parce que sinon tu peux plus les. Enfin, tu peux toujours les sacrifier, mais ça va. C'est plus des vierges. Ça perd de son intérêt. Voilà. C'est plus des vierges. C'est culturel. Alors qu'une fois qu'elles sont mortes, elles sont plus vivantes. Donc du coup, t'as plus besoin de consentement. Bah bien évidemment. Ah, après de bière. En même temps, si tu les violes, t'as pas besoin de consentement non plus. Ok. Donc. Donc les jeux vidéo. Revenons-en au sujet. Non, à noter que donc, les gens qui font dans la Benz et qui jettent de l'argent, c'est plus culturel que le jeu vidéo. Ouais, le rap est plus culturel que le rap, 21%. Hein. Ouais, mais en même temps, quand tu parles jeu vidéo aux gens, les gens ils s'imaginent ce qui ressemble à du GTA, ce qui ressemble du à du Counter. Ou à la limite, je trouve ça quand même plus culturel parce qu'il y a une histoire, un roleplay, un background. Alors que si tu joues à Counter, tu joues à GTA, à partirer sur des gens. Je joue à GTA 5, tu verras. Bah, j'ai joué à GTA 5. Il y a une histoire, il y a une histoire. Mais quand même. Je trouve pas ça aussi culturel que, qu'une histoire qui a un style graphique particulier ou qui a une histoire particulière avec des personnages. Ah oui, ouais, genre, tu prends les light novels japonais en jeu vidéo. C'est quand même autre chose. J'ai plus le nom en tête. Des Steins Gates. Oui, voilà, par exemple, c'est un titre parmi d'autres, beaucoup plus culturel que. C'est un. Tsundere. Nécoparade, quoi. Nécoparade. Mais alors, les grunichons, c'est vrai que ça. Non, alors, c'est pas culture. Si, Oh, pardon. Non, parce que tu demandes à 1500 personnes de faire un sondage et leur parler jeux vidéo. Eux, ils vont voir. Ils vont s'imaginer du code. Du code. Du Battlefield. Du Battlefield. Là, c'est sûr qu'au niveau culturel, c'est pas terrible. Niveau DLC, par contre, ça c'est culturel. Ah bah là. Donc j'ai lu trois articles qui traitaient du sujet. Donc j'ai lu donc le jeu vidéo paria de la culture dans le magazine JV qui date de bon, numéro 34, c'est celui de octobre, je crois. Oui. Octobre 2016, ouais, c'est ça. Octobre c'est 2016. Donc le dossier de Christophe Butelet et Kevin Bitterlin. Oh oui. J'ai lu l'article. Oscar Le Maire. Le jeu vidéo peine encore à gagner son statut d'activité culturelle. Donc il y a la rubrique Pixel du journal Le Monde, enfin sur lemonde.fr, ouais. Donc l'article de Corentin Lamy. Est-ce Corentin Lamy qui l'a fait? Monsieur ZQSD. Ouais. Et j'ai également lu un article qui s'appelle « Le jeu vidéo, cet objet culturel non identifié » sur le site de la gaieté-lyrique.net. La gaieté-lyrique.net je sais plus qui, hop, de Théo Cooper-Holk. C'est un nom bizarre. Oui. Et donc il y a quelques phrases, quelques trucs qui m'ont un petit peu marqué. Genre l'introduction de l'article donc, de JV qui commence par « Sur ton CV, tu mentionnerais dans tes hobbies et tes passions si tu, que tu aimes le jeu vidéo. » C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous, dans vos CV, vous avez marqué que vous, dans vos hobbies, est-ce que vous avez marqué le jeu vidéo? Alors, moi, personnellement, en tant que gros joueur de jeux vidéo, je ne l'ai pas fait. Moi, je l'ai pas fait parce que, après, quand je dis que j'ai que des jeux sous blister, j'ai l'air encore plus con. Ayant refait mon CV il y a un mois, j'ai pas du tout mis mes hobbies, en fait. Y a pas la case hobby sur mon CV. La branlette, moi, je mettrais en premier parce que c'est ce que je fais le plus, mais à part ça... Ça rentrait pas. Si, ça sur, sur le CV de ça, Wish. Ça peut passer, hein, mais... c'est pas un oubli, c'est volontaire, je n'ai pas mis de catégorie hobby ou occupation. Et si tu avais mis ta catégorie hobby, est-ce que tu aurais mis jeux vidéo? Bah de toute façon, à part manga, jeux vidéo, musique... Moi j'ai mis... pas de hobby. Moi dans mes hobbies, pas d'autres hobbies, donc. J'ai mis manga, culture japonaise, et je n'ai pas mis jeux vidéo de manière volontaire. Alors j'ai déjà parlé de jeux vidéo en entretien professionnel, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais mis sur mon CV. Non, parce que moi personnellement, je suis pas un gros gros joueur. T'es pas un gros gamer. Non, toi tu joues à Lego Dimension, mais. Et encore, j'y joue une fois tous les 4 mois. Ah oui, quand même. Donc, ouais, je suis pas non plus un gros joueur. Donc, ça va être un petit peu difficile de mettre ça sur mon CV. Autant mettre podcast ou autre lecture de BD, ouais, mais. Jeux vidéo, non. Mais je pense que si je jouais plus, je le mettrais. Voilà. Voilà, voilà. Moi, ouais. Toi, tu joues. Je vais peut-être pas répondre. T'es pas une gameuse. Hein. C'est-à-dire que je l'ai pas mis, hein. Parce que. Pokémon Go, ça compte pas, je crois. Oui, là, c'est le moment que tu faisais. Tu faisais pas mal de ah bah, ça fait 3 ans que j'ai pas touché un jeu vidéo, donc au bout d'un moment. Un jeu vidéo. Ouais, pardon. Ouais. Jeu vidéo. Excusez-moi, j'accorde mal. Oh, tu sais, ici, les fautes de français, ça passe. Sauf sur Corsen, donc. Là, ça passe pas. J'y pensera. J'y penserai. Et je te le dirai. Je vous dirai. Monsieur, oui, je vous vois trépigner. Ah non, non, non, j'essaie de retrouver un petit peu les morceaux des articles qui m'avaient marqué. Qu'est-ce que j'avais vu Mais est-ce que le jeu vidéo, c'est plus culturel que le jeu Legacy? On va y revenir au jeu Legacy. Du coup, le débat de... Non, mais le jeu Legacy, c'est autant culturel qu'un autre jeu. C'est juste le principe du Legacy quoi, moi, qui me perturbe. Ah oui, faut tout casser. Ah oui, ça m'excite terriblement. Alors, ce qu'ils appellent un petit peu le drame du jeu vidéo, ouais. On retrouve un peu un parallèle avec ce qui s'est passé pour la BD il y a quelques années. Mmh. Non, comme vous êtes deux grands consommateurs de BD... On est deux gros BD, nous. Oui, on est deux gros BD. Surtout, hein, tu sais, moi, la BD... Moi, j'achète que chez Macaca, je me respecte pas. Oui, du coup, vous interrogez par rapport à ça. La BD, ça dépend de quelle année tu veux parler. Si tu veux parler des années où on me disait que les gens qui disaient Pif Gadget, c'était des gogoles... Voilà. De toute façon, il y a par phase. Le jeu vidéo souffre aujourd'hui... Des tarés qui avaient la musique rock à une certaine époque et qui avaient la BD à une époque. Des tout préjugés. Comme l'avaient les joueurs de jeux de rôle... Ouais, Voilà, des préjugés qu'ont subi les auteurs de BD ou les lecteurs de BD il y a 15 ans. Quoi. On sait pas si la radio, ça rend sourd. Je pense que c'est par phase, en fait. Bah, bien évidemment. Chacun son époque. C'est ça. Parce en fait. Que tu penses que dans quelques années, le BD sera de nouveau considéré comme un truc un peu obscur, pas très culturel? Non, parce que ça sera devenu trop cher. Je pense que justement, ce sera pas. Toi, comme le dessin animé actuellement, enfin, depuis un certain temps, on dit que c'est forcément pour les enfants. Ouais. Mais ça, c'est très franco-français aussi. Parce qu'ils n'ont pas vu la semaine. Et bon, c'est pour ça. Ou des ils trucs ont pas vu déjà s'inculer. Ils n'ont pas vu Tarzan, la route de la jungle. Mais non, mais après, la BD, je pense pas que ça soit. C'est dans les trucs, je pense là tout de suite à Un pour tous, qui revient sur la jeunesse des mousquetaires, mais quand ils sont vraiment jeunes, et en prenant vraiment la partie historique plutôt que la partie romancée d'Alexandre Dumas. Oui. Donc même si c'est un petit peu romancé, c'est quand même pris sur les faits historiques avec les vrais noms des mousquetaires. Donc je pense que l'aspect culturel, non, il va pas rester il va changer, ça va passer sur un autre truc, ça va passer sur de la musique ou sur un truc qu'on n'a pas encore. Ouais, je sais pas, un truc encore divers. Bah, la musique, il y a eu le rock metal déjà qui a eu droit à sa part de. Bah, le rock qui de... l'a toujours. Plus le rock de base, quand même, à l'époque, les Beatles. Oui, le rock ça, de base. Ouais. Plutôt. Ouais. Mais le metal aujourd'hui, il a bon dos. Hein. Ça avec Christine Boutin et. Ah, mais t'as. Quand t'es le chanteur de Mastisteria et que tu te dis, ah oui, quand même, les spectateurs du Hellfest. Les spectateurs du Hellfest. Péremptoire, qui dit péremptoire ? Péremptoire qui nous écoutait, et puis il a fait ouais, mais il y en a un qui a lâché un énorme rototo, donc j'ai coupé. Ah, il supporte pas ? Bah. Je sais pas. Allez, rends ton péton. Ouais, mais il y a de la bière. Ouais, dis donc. Seul à roter, bizarrement, le quand même. Métal. Mais. Le métal, c'est démoniaque. Ah oui, dans l'article, il parle même d'un parallèle encore plus ancien avec le cinéma. Et oui. Dans les années 30, que donc Georges Duhamel aurait qualifié le cinéma de passe-temps d'illettré. Donc là, carrément quoi. Ouais. Voilà. Toi, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme pour les romans. On parle de romans comme quoi c'est un truc littéraire, culturel et compagnie de super haut niveau. Mais quand tu lis ces 90 degrés, tu en ressors pas par le haut niveau. Ouais, ça si on revient à cette époque-là, il fallait être lettré pour pouvoir lire. Un roman, quelque chose, donc c'était déjà quelque chose de culturel. Ouais. Donc, est-ce qu'on associe le fait que quelque chose soit culturel au fait que ce soit quelque chose de bourgeois, entre guillemets ? Ah, mais c'est bien sûr. La culture a toujours été un peu bourgeois. Hein. Bon, je pense qu'il faut pas. Est-ce qu'il faut être de la haute société pour que ce soit culturel ? Bon, quand tu vois que. Bon, le problème, c'est que. Tu vois le différentiel, en fait. Après, quand tu montres aux gens combien ça coûte de jouer aux jeux vidéo, en fait, ils font. Ah ouais, quand même, ça coûte cher, en fait. Bah ouais. Après, je pense pas que ça soit un problème vraiment. Bah, c'est pas le problème. C'est plus le, voilà, le côté mercantile de notre société qui fait que ça coûte cher. Mm-hmm. Mais la culture, tu. Non, la culture, tu peux l'avoir de partout. C'est juste que du coup, il y en a, ils veulent en tirer profit et font payer pour l'accès à la culture. Bah, on fait bien payer des bouquins qui sont censés être gratos, alors. Pourquoi on s'emmerderait, hein ? Pourquoi on s'emmerderait à faire payer des bouquins avec des auteurs qui sont morts depuis des millions d'années ? Hein ? Pas grave, on fait payer l'Odyssée, c'est pas grave. On sait même où ils sont les descendants de nos mères, mais c'est pas grave. T'es obligé de le manger maintenant. Hein. Ouais. I play Pokémon Go every day. Il a mis la capsule dans le. Dans le guacamole. Est-ce que le guacamole. Alors, du coup, le guacamole est plus. Est plus culturel que le jeu vidéo, du coup. Si on a lu cet article. Bah, ça dépend si c'est toi qui le fais ou si c'est. Ah, tu l'as fait. Ou si c'est. Ouais. Ou si c'est. Comment ça s'appelle ? Old Depato qui l'a fait. Alors, faut citer d'autres marques. Kiyabi. Nutella. Voilà. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas des marques. C'est pas des marques. Ah bah oui, mais non, mais faut citer trois marques. Quand tu connais pas le guacamole Nutella. Bah, voilà, Nutella à l'avocat. Qu'est-ce que. Alors on peut revenir sur. Et les icônes à la télé. Ah. Alors le rapport d'études souligne ainsi que le caractère culturel est conditionné à certains critères. Fondé sur un système de valeurs plus ou moins partagé. Malgré le savoir-faire technique et artistique avéré des concepteurs de jeux vidéo, notamment français, et le soutien dont ils bénéficient de la part du ministère de la Culture et de la Communication, ouais. Le rejet du jeu vidéo hors de la culture marque son appartenance au domaine des distractions, dénué de caractère culturel par une majorité des Français. Et on touche sans doute là au drame du jeu vidéo, son côté jeu qu'il affirme jusque dans son appellation. Est-ce que le fait qu'il y ait jeu dans le titre même du produit, est-ce que ça le rend trop. C'est l'enfant, l'infantilise en quelque sorte. Ben, est-ce que ça affirme le fait qu'il ne veuille pas être un produit culturel ? Ou qu'il veuille se démarquer ? Se démarquer, de toute façon, c'est sûr que quand tu vois les compétences qu'il faut pour être graphiste ou autre, c'est des écoles d'art que tu fais au final pour être même un graphiste de jeux vidéo. Oui, mais après, tu pour faire de la publicité, tu fais une école d'art. Hein. Oui, aussi, oui. Donc, c'est pas le. Pour vendre ton cul à Bolloré. C'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes. C'est ça, après le fait qu'il y ait le nom jeu dedans. Bah, ça reste un jeu de toute façon, que ça soit culturel ou pas. Oui, mais justement, c'est. C'est vrai qu'il n'y a pas le jeu de société non plus dans ce. Ça, ça aurait été. Alors, ça, ce que tu essayes d'aborder, c'est un point qu'ils abordent d'autre part dans l'article que je n'ai pas vu, c'est que dans un jeu vidéo, le côté graphique, on va le considérer comme éventuellement de l'art. Si un graphite, c'est quelque chose, le côté. Le côté musique. BO, on va le considérer comme de l'art. Mais est-ce que. Mais le côté son et image, c'est une infime partie du jeu vidéo. Il y a toute la partie gameplay, toute la partie scénario, réflexion, tout le reste. Et ça, c'est pas forcément considéré comme de l'art. Est-ce que ça serait le problème ? Oui, oui. Bah, tu vois bien que les meilleurs jeux vidéo, les plus vieux, souvent si on s'en rappelle, c'est pour quelque chose de marquant qu'il y a là, du gameplay, du. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu prends la même chose sur une peinture, une œuvre littéraire, tout ce qui est réflexion qui est induit par la lecture ou par ce que tu vois. Même un scénario, il y en a partout des scénarios. Mais ouais, mais c'est ça, mais du coup. Ah non, il y en a pas partout. Tout ça n'est pas partie de la partie culturelle en fait. C'est quand même quelque chose de vachement travaillé, de réfléchi. Que tu fais pas comme ça en deux minutes et que n'importe qui peut te sortir quoi. Et te sortir un truc moi. Tu vas voir, ça va être du DLC en boîte. Hein. Parce que si tes chaînes, t'es chez CNT. T'es scénariste chez Activision, mais sinon. Pourquoi ? Mais non, bon, il m'accepterait pas, il faut bien pas, pas de scénario. Faut pas déconner. On est pas là, on est là pour vendre du train de DLC. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème du jeu vidéo aussi ? Derrière ce côté. Vraiment, que c'est passé de l'art de. Très vite du balbutiement au je vends mon truc. Du jeu vidéo AAA au jeu vidéo indé, quoi. Non, même pas, non, c'est que directement on est arrivé à chez la Nintendo, on a commencé le jeu vidéo avec la bande d'arcade où, dans la bande d'arcade, eh ben, tu passes plus de temps à mettre des dineros dans la machine qu'autre chose, donc forcément, c'est peut-être un peu une image. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est pareil quand tu vas dans un musée ou un truc du genre, tu payes pour voir quelque chose, là tu payes pour jouer. Donc au final, c'est plus interactif, mais après, est-ce que c'en est plus de l'art ou pas ? Non. Mais... C'est quand même très mercantile, la base, quand même. Tu vas dans un musée, c'est pareil, c'est mercantile. Le musée, il est pas gratuit. Il y en a, quand même. C'est-à-dire que... Oui, Tu vois, c'est... C'est quand même un peu différent au niveau de l'approche. Chaque fois que tu auras un tableau, on te dit pas « Eh !» Remets 5 euros dans la caisse, quoi. À chaque fois que tu joues non plus, tu l'as... paye une fois. Ah mais je te parle des bornes d'arcade aussi. Oui mais ouais mais là c'est dans le sens si tu fais le jeu parfait mais il y a quand même peu de chance qu'elle tire au premier coup. C'est pas étudié pour. Voilà. Donc forcément derrière c'est quand même un petit peu compliqué. D'ailleurs ils ont mis une magnifique image de Journey sur leur article. Oui. Dans le genre un jeu vidéo culturel, artistique et machin. Il se pose là. Totalement légitime. Ouais, du coup, oui, que, il y en a plein. Hein, tout ce que jeu vidéo contemplatif, de toute façon, à la base. Des thèmes, le jeu vidéo contemplatif. Est-ce que c'est culturel Toi, c'est. Tu. C'est pas en gros, est-ce qu'on se fait chier de Vanishing of Eden Carter ou pas quoi. Après, t'as une histoire qui est racontée, t'as de la musique, t'as des graphismes. Gone Home. C'est un tableau qui se défile devant toi au final, avec de la musique en plus. Hein. C'est une sorte de tableau animé. Oui, on peut faire le parallèle comme mais ça. Mais le fait que ça soit contemplatif, c'est pas ça qui fait que ça soit culturel, c'est le. Non. Le jeu. On va dire l'œuvre en lui-même. C'est le travail qui a été fait dessus, les recherches qui ont été portées et tout ça. Ouais. Mais est-ce que I Play Pokémon Go Every Day, alors du coup c'est culturel ? Est-ce que donner c'est la musique ? Est-ce que donner c'est la musique, c'est culturel. Écouter de la musique, si tu écoutes I Play Pokémon Go Every Day, 57% des personnes diront que c'est culturel. Ah, ça fait plaisir de savoir que. Il y a marqué sauf Maître Gims. J'allais proposer Jules. Moi. Jules, ouais. T'es sûr ? T'es comme les doigts. Parce que faut pas déconner. Donc il y a. Puis c'est toujours pareil, bon. Lire un livre, entre lire le Silmarillion et lire. Et lire 50 nuances degrés, et quand même une sacrée grosse différence. Je peux lire le oui et la girafe rose. Bon, je veux dire que c'est culturel. Voilà, je veux bien te croire, mais bon, c'est pas pareil quoi. C'est pas le même niveau de culture. Voilà. Ça s'adresse pas au même. Ouais, t'écoutes Jules, ou t'écoutes. Des trucs de classique, de. Je sais que c'est des trucs sur je sais pas combien. Ça dure trop longtemps de toute façon pour moi. Toi, t'écoutes Tubular Bell, ça dure demi-heure. C'est quand même autre chose que d'écouter Jules, qui lui te pond un album toutes les demi-heures. Quand même. Oui. Donc après, voilà, quand les gens ils englobent pomper, ça aussi. Pomper sur des trucs qui existent déjà. C'est ouais, une reprise de Barney Girl, par exemple. Ouais. Ah bon? J'ai jamais écouté Jules. C'est bien. J'ai rien loupé, je pense. C'est pareil, entre lire la presse, entre lire Voici et ouvrir le monde diplomatique. C'est la star de toutes les ados d'aujourd'hui, la majorité. Ah non, ma sœur, elle se respecte. Ah oui, de la majorité. Hein. Voilà, ma sœur se respecte, ma sœur joue à Euro Truck Simulator et Radio Metal. Ma sœur se respecte, minimum. Là, je suis content là-dessus. Non, mais c'est pareil, entre lire Voici et lire le courrier international, ce que je lis moi, voir si t'es un intello et que t'en peux plus, le monde diplomatique, le seul journal qui m'a fallu lire avec un dictionnaire à côté, moi je comprenais pas tout. Et pourtant, Dieu sait que j'en connais des mots déjà. Et ben, tu dis quand même, voilà. Dans ces sondages, il y a quand même ça mélange un peu tout et un peu rien aussi, c'est ce qu'il faut se dire. Ah ben, c'est 1500 personnes prises au pif. Hein. Voilà. C'est un panel de 1500 personnes. Faut savoir remettre les choses en place. De la musique, bon. De générations et de cultures différentes. Voilà. Hein. Dans la musique, il y a tout, il n'y a rien. Surtout rien, des fois. Oui. Selon ce que tu écoutes. Tu sais, est-ce que le dernier Patrick Sébastien, c'est culturel? Est-ce que le nouveau Sébastien est culturel? La culture française. Voilà. Ah, c'est de la chanson de ce qu'on appelle la chanson française. Voilà, mais pas à texte. Non, pas du tout. Faut différencier la chanson à texte et la chanson française et la nouvelle scène et la nouvelle scène new wave. Enfin, la nouvelle scène, l'ancienne nouvelle scène, parce que c'est l'ancienne la nouvelle new wave, la chanson franchouillarde, hein. Amandine tu Bourgeois. Amandine Bourgeois, mais c'est pas de la c'est musique. Pas de la foot, ça. C'est de l'ancienne scène. On sait pas ce qu'elle fait, on sait pas. Alors si toi aussi tu es célibataire... Non, si toi aussi t'es spontané comme moi... je crois que je peux faire un débat là-dessus. C'est tellement spontané de dire oui. Cette phrase. 14 000 fois on l'a vu cette pub. A voir, c'est acheté l'application. Il y en a qui n'en pouvaient plus sur le stand tellement il y avait personne qu'ils avaient foutu une pancarte. Il y avait une Nintendo Switch à gagner. Vous êtes au courant qu'elle sort dans 6 mois la Nintendo Switch? C'était pour niquer le chaland. Donc, ouais, le gueux vidéo, il est... Ouais... Le gueux idéal. Le GIF idéal, il est aussi, ben voilà, on a sorti la Nintendo avec son train de jeu de la hype et... Bah c'est comme on disait, comme les romans, ouais. Comme les films, comme la musique ou autre, ouais. ça dépend ce que tu fais, quoi. Voilà. Mais le jeu vidéo, il est directement arrivé dans le... De toute façon, le jeu vidéo est né dans la période où on savait que le plus important, c'était de vendre. Comme aujourd'hui, comme disait un cofondateur de... Non, un gestionnaire de chez Walker. En tout cas, je sais plus le nom de ce site, c'est un site américain très putassier. L'important, c'est pas de dire la vérité. L'important, c'est le clic. Donc, tu vois, le jeu vidéo, il est arrivé dans cette période aussi où on s'était dit, bon, ben finalement, si on pouvait vendre des trucs aussi, bon, ben voilà quoi. Alors que le cinéma, il a quand même connu une certaine période de maturation. Ben, c'est, tu vois, c'est exactement le même problème que si on te donnait une Jaguar XF, tu vois. C'est une voiture de bourge. Mais en même temps, tu vas conduire. Un petit fantôme dessiné dans mes doigts. Ah oui. Tu vois, c'est un peu comme si on te donnait une voiture très puissante, mais que t'allais conduire en Inde. Tu sais, où ils ont des routes, voilà, et un code de la route très aléatoire. C'est tant que tu gênes pas les autres, tu peux y aller. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça passe. Tu vois, chez nous, le code de la route est né avec la voiture. Du coup, il a eu le temps d'évoluer. Là-bas, la voiture moderne est arrivée, il n'y avait pas de code de la route. Il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route déjà. Donc, comment tu veux faire? Ben, le jeu vidéo, c'est pareil. Il est arrivé un peu au milieu de l'ère où on se disait, bon, ben, faire des dessins animés pour vendre des jouets, c'est pas trop grave. Hein, mm-hmm. Je parle pas de Musclor, de masque, de Thunder Cat, de Jem et allez, un truc pour les fifilles, comme on dit, j'aime pas ce mot, mais c'est pas grave. Jem et les hologrammes, des trucs comme ça, quoi. Tu sais, le dernier Disney, il est même pas sorti, que t'as déjà les boutiques, elles sont envahies de trucs cucul à praline. C'est comme Star Wars, Mais évidemment. Mais cette année pour Rogue One, hein. Mais oui, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression, moi. C'est l'année dernière. Bah, c'est spin-off. Ça me rend un peu. L'année dernière, un mois avant, t'avais du Star Wars partout. Hein. Ouais, voilà. Donc, à partir du moment, est-ce que ça, c'est plus culturel que du jeu vidéo? Mais bien sûr que non. Là, c'est purement mercantile. Voilà. La mercantilité du produit n'est même pas. Mais est-ce que pour autant, est-ce que derrière, il n'y a pas des choix artistiques derrière? Ah, une grande question, par contre. Parce que pour les choix de réalisation en termes de pellicule, les réalisateurs sur Star Wars ont eu le choix. si tu veux, pour le 8, il est sur du numérique. Pour le 9, le réalisateur a déjà décidé d'être en pellicule. Tu vois, comme quoi, encore derrière. Ouais. Bah après, ça dépend de ce que va en faire. Toi, si on te sort Suicide Squad, et ben... Là, c'est pas culturel. Là, c'est pas culturel. Là, c'est purement mercantile. Qu'on te modifie pour que le short soit un peu plus petit. Ouais, voilà. Pour qu'on voit mieux le petit cul de... Comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Harley Quinn. Harley Quinn, mais l'actrice... Non, mais l'actrice, ouais. Ah, l'actrice, je sais pas. Bref, on mise tout sur son petit cul, tu vois. Mmh. Enfin, vraiment, c'est zéro intérêt. Ça, c'est vendeur. Parce que ça, c'est vendeur. Bah... Parce que le gros bof, il aime les petits culs. Il s'en fout du reste du film. Il aime les petits culs. Et sa femme, elle aime Jared Leto. Donc, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les ouais. Les Leto. J'arrête les drones. Et Will Smith. Voilà. Non, à partir du moment, j'arrête, est-ce que c'est... J'arrête les trop. Est-ce que, à partir du moment, est-ce que c'est plus mercantile ou pas, tu vois, voilà le gros problème. Après, je parle même pas du fait que certains achètent des jeux où derrière, on a... Le ouais, c'est ça. Non, le train de DLC, moi j'appelle ça. Tu sais, le jeu, il est même pas sorti et c'est... T'as déjà le season pass qui va... Ouais, t'as le season pass de trucs que t'as déjà sur la galette. Tu sais, genre, c'est un peu Street Fighter Cross Tekken, quoi. Bonjour. On le déverrouiller 3 mois plus tard. Ouais, c'est ça. Mmh. On te fait bonjour, tu as 6 personnages cachés sur ta galette, ça fera 20€. 5€ le mois d'après sur Amazon. Donc, forcément, je pense que le jeu vidéo souffre surtout de ça. Hein. C'est surtout qu'il est sorti à l'ère du. Bah. On va se vendre chez Virgin, et puis voilà. Bah, d'ailleurs, le jeu vidéo a souffert à une époque de cette surproduction et de. Le crash de 83 ou de 86. Où on a enterré des tonnes de E.T. au fond du désert parce que ça coûtait moins cher que d'aller les faire pilonner. Parce que c'était de la merde surtout. Bah oui, voilà. Aussi. Alors, il y a ça. E.T. sur NES. Jeu vidéo culturel. Non, même pas. C'était sur Atari 2006. Hein. Ah, pardon. Soyons précis. Parce que la NES. Merde. C'est un podcast. Non, parce que, parce que la NES est sortie juste après. Et il hey, y a des gens qui sont là. Arthur, lui, il est. Là, Arthur. Voilà. Non, parce que la NES est sortie juste après en fait. Et la NES a permis de rééquilibrer le marché du jeu vidéo. Est-ce que c'est culturel ça ou pas? Ben voilà. Non, parce que la mercantilité à l'époque n'était même pas. C'est toujours ça, ils sortaient juste pour pouvoir vendre. Mais oui, c'est tout. Et ils s'en foutaient que le produit soit bien ou non. Voilà. Que ça soit pas bon. Ils s'en branlaient les couilles, comme on dit si bien par chez nous. Donc forcément, derrière. Mais après aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein. Quand tu vois des collections qui ne finissent jamais, rallongent, on va dire. Oui, j'ai besoin d'étendre mon histoire. Tu sais, tu peux toujours regarder ça d'un œil un peu réprobateur en te disant pourquoi tu as raconté l'histoire de Christian Grey dans le re-retour de 51 degrés. C'est artistique ou c'est gratuit? Il va pas y avoir la suite bientôt de ça. Si, il va y avoir encore plus 51 degrés. Comme les livres en fait. Bah oui. Bah, en fait, c'est le volume 2. Sauf qu'après, maintenant, il y a un nouveau cycle avec On te raconte l'histoire par le biais de Christian Grey. Oui, parce que des bouquins, il y en a déjà 3. Voilà. 51 degrés, 51 c'est plus clair, 51 c'est plus sombre. Ouais, je crois. Ouais. Et donc, bah voilà. Je trouve bien connaisseur quand même. Et parce que ma mère les a lus. Ah. Donc, je les ai vus traîner sur la table. Mais il y en a plein de jeunes qui se respectent pas. Alors, je vais avancer un petit peu. Ouais, oui. Vous lire un autre extrait du JV. Du JV et vous poser une question. Alors, ce qui est caractéristique du cas français, ce drame qui fait qu'il y a une culture de la bande dessinée absolument prodigieuse et très peu de liaison avec la scène jeu vidéo, alors même qu'Angoulême compte l'une des principales écoles de formation de ces métiers, oui, c'est vrai. De ces deux métiers, n'est pas vrai ailleurs. Précise Mathieu Triclot. Mathieu Triclot, je sais plus qui c'est, merde. Tant pis. Le Japon offre un contre-exemple parfait d'une circulation des contenus d'un média à l'autre, ce que l'on appelle le média mix, ouais. Avec une mobilité des professionnels qui a permis aux jeux vidéo japonais de bénéficier de grands talents et d'une signature immédiatement reconnaissable. Est-ce que ce problème est donc uniquement français? J'ai envie de te dire, c'est l'exception culturelle française. Moi, j'ai envie de te dire une seule et unique réponse qui doit normalement couler le bec à tout le monde, à tous les connaisseurs, c'est le jeu vidéo japonais PS3 Xbox 360. Voilà. Tout est dit dans cette phrase. Parce que bon, c'est bien joli de faire des ponts entre les jeux, mais si c'est pour faire des jeux de merde, sauf Nier, peut-être à la rigueur, l'un des rares jeux bon de la période PS3 Xbox 360, ça ne sert à rien. C'est pas si compliqué que ça. Après, le jeu vidéo français, au bout d'un moment, faut pas se leurrer non plus. Le jeu vidéo français, qu'est-ce que c'est? sur les 10 dernières années. Ah bon, Dishonored, 1 et 2 peut-être à la rigueur. On a Christophe Herral, mais à part voilà. Life is Strange à la rigueur. Parce que, et à noter que Life is Strange, bizarrement, il n'est pas sauté. Je ne sais pas s'il est cité dans cet exemple, mais c'est Alexis Briscott qui fait la direction artistique. Il faisait la direction artistique sur les films Marvel et pour des cartes magiques quand même. Je tiens juste à préciser ça. Ça me paraît être un contre-exemple assez évident. À mon humble avis, hein, je cite ça par hasard. Hein. Après, le jeu vidéo français, malheureusement, c'est pas foufou. C'est plus qu'il était. Bah, il a jamais été folichon. Hein, il a jamais été mis en avant. Voilà, déjà de base. Donc, tu cites des jeux assez anciens, les jeux d'océan, voilà, les jeux océan qui datent déjà de Mathusalem. Le jeu vidéo français, il a quand même senti. Il y a quand même un certain renouveau. Le tamir, là. Le Infogramme. Oui, Infogramme. Bah, oui. C'est bizarre. C'est, oui. Maintenant. Oui. Qui est parti au Canada. On dit que c'est du jeu vidéo français, c'est autant français que... Il n'y a plus grand-chose à Montpellier. Hein. Par contre, les développeurs français, la main d'œuvre française est très utilisée. Bon. On est réputé pour ça. Donc je pense plutôt que moi, c'est un problème de... Déjà, d'emploi en France. Puis la BD française, bon, je crois qu'on pourrait en parler à long et en large et en travers. On va dire que... Déjà, dans le podcast précédent, on a parlé de David Revoy et, mon Dieu, ce crime de lèse-majesté d'avoir fait ça, une BD en Creative Commons, qu'on n'est pas obligé de le rémunérer d'ailleurs. Déjà, quand tu as vu la levée de bouclier qu'il y a eu pour ça, mais je suis scotché, hein, faut que je fasse un article dessus, parce que c'était tellement effarant. Donc, quand tu as à te dire les débouchés... Ouais, je suis pas sûr. Celui-là, ce problème, donc c'est Pepper and Carrot. Voilà. Mais... Là, le problème, c'est que lui, il a fait sa BD. Oui. Ensuite, tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait avec. Donc, c'est... Voilà. Non, mais il était accusé de tous les maux. Parce que, oui, tu galvaudes le sens de la BD. On va être rémunéré encore moins que ce qu'on était déjà rémunéré. Moi, je me suis bien renseigné dessus. Je dois faire un article assez conséquent dessus. Mais c'est impressionnant, la volée de bois vert qui s'est pris. Calimac, pareil. C'est quoi une volée de bois vert? Le boulet lui est tombé dessus. Il n'a pas loupé. Hein. Alors, il y a un parallèle qui est fait dans l'article à un moment qui m'a un peu dérangé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y. On pourrait en effet penser que le jeu vidéo finira comme les autres arts par acquérir au fil du temps une forme de reconnaissance. Sauf que la dimension ludique y semble faire obstacle. Le jeu vidéo est davantage assimilé à du sport, dans le sens d'une activité où la finalité est de gagner ou de perdre. Dire que le jeu vidéo est un art reviendrait presque à dire que le foot en est un. Par ailleurs, si l'on poursuit l'analogie, on se rend compte que le jeu vidéo, comme le foot, sont traités de la même manière par la télévision. On en parle rarement, voire jamais, du jeu en lui-même, mais plutôt de son aspect économique ou des sujets de société qu'ils entraînent. C'est vrai. Alors, sur le début, là, entre le foot et le jeu vidéo... L'analogie jeu vidéo... Et sport ou football. Malheureusement, on y tente de plus en plus. C'est les gros titres, les e-sports, les trucs comme ça, oui. Il n'y a pas que ça dans le jeu vidéo. Oui, mais voilà, malheureusement, c'est la locomotive. Ce qui est dit là dans l'article, c'est ce qui rapporte le plus de fric. Évidemment. Voilà, l'aspect financier, le fait que le jeu vidéo, l'e-sport, en plus, se dirigent vers des structures de type comme le PSG qui a acheté une équipe d'e-sport, par exemple. Je crois que tout ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein, le jeu vidéo est né à l'époque du gros mercantile. Voilà. C'est que, on s'était dit que c'était plus intéressant de se vendre chez Virgin que d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus... Voilà. Après, moi, ce qui me dérange dans la partie de l'article que tu as dit, c'est que le jeu, la finalité, c'est de gagner ou de perdre. Mais c'est pas que ça aussi. Pas du tout. Moi, c'est de me raconter une histoire. C'est la même chose que de lire un bouquin, de lire un DVD. C'est vrai quand tu joues à LOL, c'est vrai quand tu joues à Counter. Mais sinon. Ouais, mais pas forcément. Après, c'est une idée assez restreinte du jeu vidéo. Tu peux quand même être là, même si c'est un RTS ou du Warcraft, tu peux quand même t'attacher à l'histoire. Même si derrière, c'est plus le fait que ça soit du joueur contre joueur. Il y a des jeux où t'as pas forcément la notion de gagner ou perdre, c'est juste une histoire. C'est ça. Que c'est sûr que quand tu fais un LOL, c'est un jeu compétitif. Voilà, c'est le côté compétitif en fait qui fait le gagner ou perdre. Mais c'est pas tous les jeux. c'est loin, très loin d'être la partie, d'être tous les jeux. C'est les jeux les plus médiatisés ou sur lesquels il y a de l'e-sport, parce que sans compétition, tu fais pas de sport. Après, tu peux aussi gagner ou perdre, ça peut très bien être aussi un jeu type Mario. Mario, bah, oui. Tu tombes dans le vide, bah, t'as perdu. Oui, oui, c'est ça. Là, oui, c'est t'as gagné. Tu recommences. C'est long quand t'as machine, tout simplement. Faut pas y chercher plus que ça. Mario, tu perds, tu recommences. Un LOL, tu perds, c'est fin de partie. C'est vrai. Alors, hop, pour trouver notre autre chose. Alors, ce podcast ne finira jamais. Jamais. Donc une autre citation de Mathieu Triplot, donc le philosophe. Et j'ai des trucs à dire. Ce que je pense, c'est que les pratiques culturelles temporaines, contemporaines. Il se frappe la chaise. Mais que fait-il? Je viens là. Mais pourquoi? On m'a promis un truc. Moi je réclame. Il veut ses tresses. Alors, ce que je pense, déclare Mathieu Triclot, je me sens tout seul de mon côté de la table. Les pratiques culturelles contemporaines sont bien mal taillées pour l'idée de l'ancien art que nous avons hérité du 19e siècle et d'une certaine célébration de l'artiste en tant que génie solitaire. Pour penser le jeu vidéo comme l'art, je crois qu'il faut étendre et bousculer notre compréhension de l'art pour y faire entrer la production collaborative, pour y intégrer d'autres modes de rapport à l'œuvre et à la contemplation. Bah, je peux faire un parallèle avec le dossier que je ferai dans le numéro du mois prochain, qui est un dossier sur Akira Kurosawa. Et qui je cible en disant ça? Tu as que seul et unique mot à dire. C'est un réalisateur, voilà, simplement. Et quand on parle de célébration du génie solitaire, quand on parle de réalisateur, on parle de qui? On parle que d'une seule et unique personne, forcément. Alors qu'il avait avec lui toute une... Alors qu'il a toute une chier, il a un directeur de la photo, je prends un truc entre... Je sais plus dans quel podcast j'entendais ça, c'était... je crois que ça va être dans la playlist des frères Doucet. Ouais. Où justement, il revenait sur Hans Zimmer. Comme quoi, c'était un compositeur... De génie, mais alors que non, il n'est pas tout seul. Non, derrière, il y a plein de... Il a fait des trucs. Il n'est pas dans la lampe, ça va. Il n'est pas tout seul. Il y a des écoles derrière qui ont un style qui lui ressemble, et du coup, lui, il peut piocher. C'est ça. Et on va dire, il s'accrédite la musique. Mais ça se voit sur certaines compositions, hein. Ça se voit sur ce qu'il a fait entre lui et les trucs qu'il a un peu délégué, on va dire, entre guillemets, merde. Mm. Parce que sa production est très à géométrie variable. Mm. Donc, oui. Bah, le jeu vidéo, oui, le jeu vidéo, on a du mal. Mais d'ailleurs, tu as l'exemple sur la page. Tu as même. Non, tu as qu'un seul exemple sur la page. Quand je parle de Mario, de qui vous pensez? Derrière moi. J'ai pas compris la question. À qui vous pensez quand je parle de Mario? À un plombier italien, moustachu. À son frère, Luigi. On l'a célébré en grande pompe à Japan Expo. Bah, son créateur, non? Mais oui. Shigeru Miyamoto. Oui. Donc on en revient sur. Donc on en revient sur la célébration du générique du génie. Quand je parle de Journey, je parle de Flower et je parle de. Alors, je pense que vous aurez peut-être pas le nom, mais. Même sûr. Je pas le nom. On parle souvent de. D'ailleurs, il y avait un article dans le Courrier International. On parle de Jay Novacek. Donc celui qui a été le réalisateur, le producteur sur ces jeux-là. Donc, qu'on le veuille ou non, je pense que l'inconscient collectif a besoin de se représenter un art par le biais d'une personne, en fait. Je sais pas, on a du mal avec le collectif, tu vois. Tu vois, c'est comme l'artiste Banksy, tu vois. En ce moment, je crois que si je me trompe pas, non, je ne peux pas me tromper sur le nom. On a du mal à savoir si il était seul ou si c'est un collectif ou si c'est. Mais on parle de lui comme une seule personne, comme les Anonymous, tu vois. Il se représente d'une seule et unique entité. C'est ça qui est assez rigolo, tu vois. Parce que je pense que pour se représenter, on a du mal avec les groupuscules, tu vois. Bah, surtout là, en plus que le. Les Anonymous, en tant que vraiment groupe, ils n'ont pas vraiment d'entité réelle. C'est mais oui, c'est ça le pire. Et il n'y a personne derrière, il n'y a pas de chef, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et de dire bah, c'est un seul mec. C'est peut-être un seul mec qui se dit d'Anonymous. D'ailleurs, des fois, il y a des choses qui sont faites au nom d'Anonymous, et puis derrière, Anonymous dit « bah non, c'est pas nous ». Oui, c'est ça. C'est une, on va dire que c'est une autre branche où des personnes qui se disent d'Anonymous qui le font, alors que la, on va dire, oui, la majorité ou d'autres personnes d'Anonymous disent « ah bah non, c'est tout, c'est tout le contraire, nous. C'est tout le contraire, c'est ça. Mais après, du coup, là, c'est vraiment lié aussi à... au groupe même d'Anonymous. Tu vois, mais, où t'as mais, pas mais de quand on passe Anonymous, tu vois, on voit le gars avec son masque, avec sa voix... On voit le gars avec sa voix très, très robotique, là, toujours la même d'ailleurs, tu vois, c'est très codé, tu vois, quand même, le truc. C'est surtout ça, tu vois. Et bah, c'est pareil, quoi, le foot, on a beau jouer à 11, chaque année, qu'est-ce qu'on récompense? Le ballon d'or, donc ça, il est l'unique joueur, qui est bizarrement rarement en goal. Jamais. Je crois que c'est arrivé une seule et unique fois, je crois que c'était un gardien de Biélorussie, je crois. Mais encore, je n'en suis pas sûr à 100%. C'est parce que c'est lui, il sortait pour mettre les buts. Presque. Non, mais c'était un gardien d'anthologie, je crois. Les Verts auraient dû gagner, je crois, contre eux, mais il y avait lui. À l'époque, hein, je crois, en 77, je crois. Mais je ne suis pas sûr à 100%, ce que je dis. Mais voilà, on célèbre souvent, on soulève les attaquants. Hein. Je crois que la dernière fois qu'un défenseur a été sélectionné, enfin, a gagné le ballon d'or, je crois que c'était Milan. Genre. Donc, à un pas, mais ça devait être après la Coupe du Monde de 2006, après le hold-up. Ça devait être, je crois que c'était un défenseur italien, je crois que c'était. Canavaro, je crois, tout comme ça, je suis pas sûr. Donc, tu vois, finalement, même les sports collectifs ont besoin de la représentation. Bah, des midi olympiques, il y a pas longtemps, il y a eu les Oscars midi olympiques, on a récompensé 4 joueurs, donc une joueuse. Mais encore une fois, on passe quand même par un sport hyper court, on passe quand même par la représentation de joueurs. D'une personne. D'une personne, voilà. Surtout que sur les. Ah non, ça va encore, on peut dire qu'il y a une certaine parité, il y a des avant et des trois quarts. Mais non! Je pense que l'inconscient collectif a quand même besoin de, tu sais pas, de voir le. Ben c'est pareil, j'ai parié que Michel-Ange, c'est pas lui qui a peint tout seul le palais des. La chapelle Sixtine. T'as vu un reportage sur l'époque. Qu'est-ce qu'il y connaît, Harry Kenter. La réponse. Donc ouais, tu vois, c'est quand même c'est déjà compliqué. Mais je pense que le nœud du problème, moi, c'est que le jeu vidéo est juste né à l'époque, et ben on fait du mercantile, quoi. Et puis maintenant, tu vois, en plus, le jeu vidéo essaie de se révolutionner par le fait de périphériques qui coûtent un bras, à savoir là. Acheter ses vibes. Voilà, la VR. Voilà. Tu sais, c'est les trucs où il te faut un appartement de ministre pour pouvoir y jouer, et ça te coûte un mois de salaire. Non, mais vrai, grosso modo. Ouais. Si tu veux y jouer en bonne condition. Il faut juste un tapis. Ah oui, c'est vrai. Multitruc et comme ça, c'est bon. Comme un tapis de partout, course. Comme ça, tu peux marcher dans toutes les directions. Ouais. Et c'est bon. Comme un tapis de course, mais vachement plus cher. Bah oui, parce que tu peux le tapis défiler dans. Voilà. Ouais, dans toutes les directions. C'est ça qui est fou. Hein. Donc, comment tu veux pas dire que c'est le jeu vidéo, là, il se fait. Je pense que inconsciemment, le mercantile, le non mercantile, se télescope. C'est pour ça souvent que. Pourquoi tu crois qu'on va voir les youtubeurs là et qu'on leur dit mais comment vous faites pour vivre de votre métier? Déjà, on leur dit métier, c'est le mot qu'ils disent pas. Mais comment vous faites pour en vivre? Bah parce que je gagne de l'argent avec. Ah, vous gagnez de l'argent, tout ça, pas tant que fin. Trop bien. Non, forcément, derrière, et bah voilà. Parce que après, c'est pareil, il faut que ce soit le jeu vidéo. Après, pour l'instant, c'est les stars sur YouTube. Après, ça sera autre chose. Hein. T'inquiète pas que des mauvais larrons, on en trouvera toujours. Hein. Des dénons de la farcette, malheureusement. C'est pas pour ça que quand et tu vas acheter. Des dindons de la Fargue, non. De la Fargue. Oh un dans mon sac. Ah, personne n'écoute. Avec, avec David Lafargue, youtubeur professionnel. Oh, okay, bah. Non, rien. Voilà. C'est... Pour... Après, est-ce que t'as l'air plus con en allant acheter un livre d'une star qui. Ça, ils avaient fait la parodie d'Angroland. Est-ce que t'es plus con en allant acheter Call of Duty ? Ou en allant acheter un livre d'une star qui te raconte quelque chose qui t'est déjà arrivé dans ta famille, mais comme c'est une star qui le raconte, waouh, c'est exceptionnel. Oui, vous savez, j'ai été malade une fois, j'ai eu la grippe, bouh, elle a fait un bouquin de 200 pages là. Ou, ah ouais, au début, quand mon fils il est né, oh là là, je l'aimais pas. Tu sais que ça arrive à plein de femmes, ça. Et qu'on n'en parle pas. Oui, voilà, et qu'on n'en parle pas, mais comme c'est Alessandra Sublet qui en parle, on t'en fait des chiens dans tous les journaux, et que les gars sur. Comment ça s'appelle? On a tout essayé, ou je sais pas quoi, le truc de. Ah non! De Ruquier? Le truc de Ruquier! Ouais, ils sont là en train d'applaudir! Parce que c'est un nègre qui l'a écrit ce livre, en plus, faut dire la vérité, tu vois que c'est elle qui l'a écrit, chose à foutre! Et ça, c'est de l'art! Mais non! C'est tout, c'est que c'est juste, je pense que c'est la chronologie qui a fait que, bah. Ouais, en plus, le roman, tout ça, c'est Voltaire, tu sais, c'était des gars avec des roues flaquettes, là, avec des beaux cheveux. Tu sais, c'est un certain romantisme à la française. Ah ouais, c'est de l'arc. C'est de l'arc. Alors que le jeu vidéo, c'est des barbus un peu crasseux. Oh, c'est pas de l'arc. Genre, les barbus, c'est crasseux. Mais bien évidemment. Moi, je suis crasseux, moi. Mais oui, je suis barbu, moustachu. Non, je pense que c'est un peu ça aussi l'une du problème. Genre, j'en ai un dans mon sac à poche de Oui, mais. Moyen d'attacher. Donc je pense qu'on va. On va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus, donc je vais. À noter que du coup, les gens disent que la presse qui est détenue par Xavier Niel ou par Serge Dassault, c'est plus culturel qu'un jeu vidéo. Voilà. Je vais lire un morceau de l'article pour conclure un petit peu. Si le grand public regarde le jeu vidéo d'un mauvais œil, c'est aussi peut-être parce qu'il ne donne pas l'impression de vouloir s'y intégrer à la culture. Hein. Mmh. Oui, aussi, oui, il y a certaines. En se refermant sur lui-même, alors qu'il devrait s'appuyer sur son incroyable diversité, le jeu vidéo n'aide pas à ce qu'on le regarde avec curiosité et intérêt. Mmh. Pour le game designer Raph Koester, la différence entre ceux qui veulent le jeu vidéo pour qui veulent des jeux vidéo, des jeux pour se divertir, et ceux qui veulent des jeux pour être pour être de l'art n'existe pas. Et c'est aussi à la presse de réaliser ce travail en expliquant pourquoi il y a plusieurs manières de vouloir le jeu vidéo, pourquoi il n'y a pas une pratique plus légitime qu'une autre. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, disait André Malraux. Oui, ça vaut aussi pour le jeu vidéo qui a encore de grandes batailles à gagner. Et pour ce qui est de la presse, c'est l'article suivant, donc je ne veux pas en parler, sur pourquoi le jeu vidéo a-t-il mauvaise presse, que vous retrouvez également parce dans le JV numéro 34. Ça rapporte plus en clic de parler du dernier FIFA que de parler de Ori and the Blind Forest, malheureusement, mais c'est pareil partout. Les jeux vidéo, ça rend violent. Bye. Alors, Tocheux, non, les barbus, ce n'est pas crasseux. Putain, j'écoute 3 secondes avant le training. Respect. Bah, bon training, hein. Bon training. Il a dit qu'il allait skater, je crois. Ouais. Putain, mais il fait plein de trucs. Parce que, ouais, non, mais c'est... J'ai un peu du mal à... Bah oui, le jeu vidéo, malheureusement, il est né aussi à l'ère de la communication aussi. Malheureusement, et ben derrière, ben, c'est un peu compliqué de parler de choses librement. Entre guillemets, où on te fait « Ah, bonjour, je t'amène 10 000 euros de pub. Tu ne vas pas démonter mon jeu quand même. Oh, tu as démonté mon jeu. Oh, ben, je crois que la prochaine fois, je réfléchirai à te donner une campagne de pub. » Après, ça aussi, on revient sur la question de l'indépendance éditoriale. Mais bien évidemment. Mais je pense que le jeu vidéo est arrivé à une mauvaise période, quoi, on va dire. Alors qu'à la base, c'était vraiment un loisir totalement ludique. En fait, c'était des gars de. C'était des gars des universités scientifiques qui s'amusaient avec des oscilloscopes, tu vois. C'est ça. À faire du tennis. C'est ça. Sauf que le truc a dérivé jusqu'au fait, on a dérivé directement en 83 ou 86 au crash du jeu vidéo. C'est ça. Du coup, bah, on va pouvoir enchaîner avec le do-quiz, débat, je sais pas quoi qui va. Putain, fait 8 pages, le fait durer longtemps le podcast. Déjà, le débat était long, là. Et j'ai fait le débat tout seul, presque. Et du coup, bah, on va enchaîner avec ton do-quiz, monsieur Gandalf. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Oula! Qu'avez-vous à dire? Avant que je démarre. J'ai pas mis le bon écouteur ou ça? Peut-être. On mettra après. J'ai pas entendu le audio, ça va toujours autour de l'anus. Oui. Du trou de balle. Non, je peux dire ce que j'ai à dire? Vas-y. Oui, ouais. Vas-y. Non, parce que j'ai balancé le lien. Ouais. Et il y a une personne parmi nos auditeurs qui dit qu'il te connaît. Apparemment. Ah, oui. Qui est-ce? Chute, pas de nom. Alors, soi-disant, c'est via le Move. Ah mais oui. Via le Move, oui. Team Julie Verne. Ah mais oui, je connais, mais oui, bien évidemment. Team Goulia. Point G, bien évidemment. Voilà. Ma révolution sexuelle est passée par là. Grâce à vous, j'ai trouvé une copine, merci. Mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Ce que j'avais dit. Putain, c'est vrai. Oui. Putain, mais... Oui, voilà. Turfu. Le crossing. Donc... Voilà. Alors j'avais dit, je ferais un dossier sur le faussaire Rudy Devin. Le professeur de main, Rudy Kurniawan. Bon, avant de vous parler de cette personne qui a fait grand mal au monde du vin, mais vous allez voir que c'est pas d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous parler de, vite fait, un petit quiz sur le e-commerce du vin en 2014. Oh merde. Ouais. Alors déjà... Bon, non. Alors déjà, je vais vous dire, voir Je vais vous demander, d'après vous, le pourcentage de ventes selon le circuit. Alors si je vous parle des hypermarchés, vous allez voir, quand je parle d'hypermarché, je parle vraiment de l'hypermarché. Parce que après déjà, j'ai le supermarché et le hard discount. Combien de parts de marché d'après vous, ils ont ? Alors du coup, définis hypermarché, supermarché. Donc, hypermarché, je pense que c'est vraiment le gros... Le gros carrefour. Le gros carrefour comme t'as à Toulouse, toi. Tu vois, alors... 60. Là, t'as l'hypermarché, là, t'as le supermarché, et là, t'as le hard discount. Alors, sur une échelle de 1 à Leclerc... Je pense que le Leclerc là qu'il y a, je pense que qu'il n'y a pas d'avoir par commencer à faire partie des hyper, tu vois déjà. Les super, c'est peut-être plus les super U. Ouais, un truc un peu plus comme ta carrément. Ah oui, du coup, parce que sinon ça serait hyper U. Bah oui, voilà. Tu vois, un super U, c'est tout pour moi. C'est super. Et un hyper U. 60%. Oui. Beaucoup, 60%. Bah déjà, la part est costaud déjà. En vente en hyper, c'est ça la question. En vente globale, c'est de moins 50, je dirais. Ah non. Un petit peu moins. 49. Non. 49,5. Non, quand même un peu moins. Quand même. C'est moins. Ouais. Le juste prix. Alors. C'est un chiffre. C'est la tyrolienne là. Oh, c'est un chiffre rond, donc il n'en reste qu'un. Que je t'ai dit qu'avec 50, t'es pas loin. 40. Voilà, 40% déjà. Bravo. Putain, tu t'y connais en maintenant, le supermarché. C'est 40. Fond. Mais j'ai un peu plus moi en fait. Non, oui. Moi, ça, c'est un décrescendo tout ça. 35,2. Hein? 20%. Je suis pas loin? Ouais. 35. Non. 33. Non, comme 37. Moins quand même. 34. Non. 33. Non. Arrête, dis donc. Non, 31. Non. 30. Non. 25. Un peu plus. 29. Non. 27. Ouais. 27%. Vous voyez déjà, 67% de la production de vin est écoulée. Déjà, un supermarché. Et je vais même pas parler du hard discount. Parce que visiblement, le hard discount est bien placé déjà dans mon classement. 25. Oui. 20. Un petit peu moins. 19. Un petit peu moins. 17. Un petit peu plus. Ah, bah 18. 18,5. Donc vous voyez déjà la norme de production qui est écoulée en grande surface, moi j'appelle ça. C'est la GMSE. C'est les grandes et moyennes surfaces. Donc il reste 10%. Ouais, il reste très peu de place. Donc après, j'ai le magasin spécialisé. Ah oui, d'accord. Mmh. Et donc c'est le la vente en direct. Il reste 3 parts, donc du coup. Magasin spécialisé, la vente directe et internet qui se répartissent 15 petits pourcents. Vous imaginez? Ouais. Déjà, ça vous laisse imaginer où c'est qu'on vend du VM. Après, derrière, c'est pareil. Alors, je vais vous parler des facteurs important de choix d'un site internet. De la poste, quand tu parles de facteurs ou... Oh badum. Donc là, en fait, c'est des critères qui vont de 90 à 63%. En fait, c'était du multicritère. Tu mettais les critères qui te paraissaient les plus importants. Mangeons de carottes. Pardon. Oui, si on commente ce qu'on fait aussi. Alors, je me gratte la tête. Donc, par exemple, pour vous, c'est quoi les facteurs les plus importants quand on achète du vin sur un site internet? Le prix. Ah, sur un site internet en plus. Le domaine. Non. Enfin, le domaine. La cuvée. D'où il vient. Ah, oui, ça en fait partie, mais je vous les dirai dans l'ordre après. Le plus important d'entre vous, qu'est-ce que c'est? L'année. La cuvée. Ah non. La couleur. C'est quelque chose de très terre à terre. Le prix. Et le prix. T'es pas loin quand tu parles du prix. Les frais de port. Voilà. Tout ça. <t'es loin. rire> Ok. Moi, du coup, je vais vous les faire dans l'ordre, en fait, vous avez à peu près. Donc, le facteur le plus important à 90%, en même temps que la sécurité du paiement, c'est surtout les frais de livraison. Mmh. Juste derrière, on a le prix pour 89%, donc c'est juste à 1% de différence. On a les promotions qui arrivent dans le temps. Et après, on a forcément, du coup, les informations sur la coordonnée du producteur, les informations sur la gamme, accord mais et vin qui arrivent aussi, et le fait d'acheter en ligne, finalement. Donc, quoi, la facilité n'est pas forcément Même si, des fois, quand tu veux acheter du vin de Bourgogne et que tu es à Albi... Pas en Bourgogne. Ouais, quand tu es pas en Bourgogne, ça t'arrange bien. Mais toi, le acheter en ligne directement, c'est 63%. Ouais. Non, c'est pas forcément le truc qui arrive. J'ai une moitié de coupe encore. Et maintenant, allez, on passe à l'historique qui dure 3 heures. Ouais, Alors, du coup, il va falloir le goûter, du coup, ton gars. Ah oui, on va goûter. Jingle. Goûter. On va goûter. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal... C'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah! Elle est folle. Oh, ah, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai froid. J'ai soif. Allez, non, on va au fil, les gars. Bon, à noter que la gare de Castres n'est toujours pas réparée, on peut pas aller au mais la gare fonctionne, c'est à côté. Ah, d'accord. Fait. Ouais, mais il faut qu'on les voie. Faut qu'on les voie. Les filles. Parce que sinon, après, c'est sympa d'endroit où aller, on peut pas y aller. Alors, donc, on va goûter alors du Château Philippe, un Gaillac, appellation d'origine contrôlée. Oui, mais je vais faire passer ton rêve. 13,5 degrés d'habitude, voilà. Je vais me lever pour faire déjà. Ouais, c'est possible. Et médaillon d'or 2016 au Vin du Sud-Ouest. Il y a celui de Guy, là. Ah oui, pardon, il y a Wish. Alors, tu me le tiens. Sinon, il va tenir celui d'Asto. Tu vous me dis te stop, hein, les enfants. Je sais pas, j'y vois pas. Là, il y a un bon doigt. Voilà, il y a un pouce. Là, il y a deux bons doigts. Deux bons doigts, c'est ce qu'il faut. Ça fait un pouce. Hein. C'est ce qu'il faut, deux doigts. Merci, merci, merci. Voilà. Deux doigts, c'est ce qu'il faut. Merci. Même pas un doigt. Même pas un doigt. Ça dépend de la personne après. Oh bah les gourmands, deux doigts. T'en veux autant que le whisky. Mais est-ce que j'ai encore mon whisky en fait? Donc qu'est-ce que je fais? Finis-le. On peut te donner un autre whisky. Sinon je te finis. Finis le whisky, franchement. Bon allez, cul sec. Allez. Roulement de tambour. Une demi-gorgée. Si tu veux, j'ai de l'eau pour nettoyer un peu. Je l'ai pas gardé en bouche. Titre. Et c'est passé comme du beurre, allez hop. Apparemment, je le sens bien passer jusqu'au fond. Mais tu le sens, ça fait du tour jusqu'au fond. Ça glisse tout ça. C'est sexto. Est-ce que tu veux nettoyer ton verre aussi? Moi, je veux bien rincer, ouais. Avec de l'eau au whisky. Pas trop d'eau. Pour rincer le verre. Ça aura un goût au whisky encore. C'est la première fois que je pense que bouteille. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. De quoi? C'est la première fois que je pense que bouteille. Donc du coup, ça peut être dégueulasse. Il sent le rouge. Classique. Bon, allez. Ça va, allez. Vas-y, serre. Allez. Un petit doigt. Serre la demoiselle. Allez. Un petit doigt pour la demoiselle. Merci. On va goûter. Goûte déjà. Mais ça, ça passera mieux que le whisky. On va goûter. On va goûter. Ah bah goûte les filles. Non, je relance pas. Hein. Mais c'est le jingle. Ah, alors, oui, mais depuis tout à l'heure, j'ai rien écouté. Ah bah bravo. Excuse-moi. Bah non. Excuse-moi bien. Ah bravo, on te réinvitera pas. Bravo. Ah bah si. Je fais des auditeurs, excuse-moi mais. Goûtez, on va goûter, vite faut. Tu nous fais la community manager. Vite faut se bouger le cul parce que sinon on finira pas sous les 10 heures. Putain, je vais être obligé de dormir ici quoi. Ah merde, franchement. Oh là là. J'ai pas pris mon pied. Tout ça poil. T'as pris ton duvet. C'est les nerfs. Bah non. Ah mais si, il est dans la voiture. Toujours dans la voiture. Toujours. C'est très vite. Donc, alors comme je vais vous parler de Vin de Bourgogne, je vais vous faire un petit récap sur l'historique du Vin de Bourgogne. Vous allez voir qu'il y a des moments très rigolos, vous allez apprendre des choses avec moi. Donc les Romains trouvèrent des plantations lorsqu'ils occupèrent la Gaule, ça prouve déjà que c'est vieux. Alors du coup, on est parti sur un épisode de 2 heures, ça. C'est ça, oui. On est à combien 1h17. Ouais. Bon, on est parti sur un épisode... Oh, demi-heure, je pense que là, pour demi-heure, si je m'accélère, on peut... Ouais, accélère. Accélère. On peut couper du passage ou... À l'audio seulement, mais à l'audio. Non. Et après, t'es pas obligé d'écouter. T'es pas obligé, c'est ça. Après, il faut passer à la fin s'ils veulent l'en marrer les gens. Sauf le au live, c'est pas possible. Est-ce que je peux faire une musique d'ascenseur pendant que... Donc, le Vin de Bourgogne était déjà réputé avant les Romains, et ça, c'est pas mal. Donc, les travaux de l'équipe de Jean-Marie Boursicot de l'INRA de Montpellier ont démontré que le Pinot Noir est l'arrière-grand-père du Syrah et le père du Chardonnay et du Gamay, pour vous dire que le vin en Bourgogne, ça date pour de vrai. Même si ça n'a pas été ça a pas été prouvé à 400%. Oh, ben c'est du vin basique, hein, je l'ai pris parce que au bout du... Il n'est pas très alcoolisé, si. 13,5. 13,5. J'ai l'impression parce qu'il est traître. Ah bah il doit être traître, oui, parce que... Mais ils sont tous plus ou moins 13,5. Il a pas le goût alcoolisé. Tous les mêmes, il y en a marre. Il y a que l'étiquette qui change. C'est ça. De toute façon, ça reste du raisin. Qui vient de Bourgogne, de Bordeaux, de Gaillac. Le vin de Champagne. Donc, sous le règne des 4 ducs de Bourgogne, de 1342 à 1477, que furent éditées les règles destinées à garantir un niveau qualitatif élevé. En l'an 1395, Philippe le Hardy décida d'améliorer la qualité des vins et interdit la culture du vil et déloyal Gamay, Ouais. Au profit du pinot noir d'Acéter, c'est l'un des premiers décrets alimentaires au monde, précurseur de l'appellation d'origine, attendez, d'origine contrôlée et introduit bien avant la. Ah. Attention, roulement de tambour, parce que si j'arrive à le dire, c'est balèze. Le Rheinland-Gutbold allemand définissant les ingrédients autorisés dans le brassage de la bière en Allemagne. Alors, du coup, je vais te couper. Qui c'est qui coupe le saucisson et qui laisse le bout de métal dans le saucisson? C'est moi. Non mais ça c'est la vibe. C'est le tout bas. Donc le Rheinland-Gutbold, également connu sous le nom français de décret de la pureté de la bière, précise les ingrédients. De la bière ou du vin? Non, parce qu'en fait je t'explique qu'est-ce que c'est le décret du vin aussi. Mais c'est juste une petite phrase. Hein. Donc il précise les ingrédients autorisés dans le brassage d'une bière en Allemagne datant de 1516, quand même, oui, ça date, hein. Il constitue l'un des plus vieux décrets alimentaires européens. Vous voyez que la bière, ça date, en fait. Mmh. Bah, oui. Vous voyez qu'on est culturé, en fait, quand on voit de la bière. C'est vieux. Ah bah oui. Est-ce que la bière, c'est de la culture, monsieur Asto? Prochain débat. Prochain débat. La culture du brassin. C'est ça. Oh, il y en a quelqu'un qui s'y intéresse, hein, j'imagine. Oh, on va pouvoir se faire de la ombro ici. Hein. Ouais, du mieux. La craft beer. Donc vous voyez, déjà pour vous prouver que le vin avait de la valeur à une certaine époque, donc au cours du 15e siècle, le commerce viticole du duché de Bourgogne était en plein essor. De Genovais, où étaient situés des pressoirs du duc jusqu'à Rully ou Mercuret, les vignes de mieux en mieux cultivées donnèrent des crus de plus en plus recherchés. Ainsi, la Flandre et l'Angleterre les firent venir à grands frais. En 1461, oui. Le magasin. Ben voilà, la GMS, elle était là. Elle était la GMS. En 1461, lors du sacre de Louis XI, Philippe le Bon lui offrit 24 chariots de vin. Ça fait pas plaisir, ça? Eh bien, si. Pour te prouver que ça avait quand même une certaine valeur déjà. C'était en jarre ou en tonneau? C'était en jarre ou en tonneau? Ah non, c'est pas en pot de vin. Une pot de vin. Oh! Eh, je crois qu'il y a un truc sur l'origine du mot. J'ai l'impression, hein, je veux pas m'avancer. Mais... Il y a des gens qui nous tweetent ou quoi? Non, c'est photo d'hier soir. C'est photo d'hier soir. Rien à voir, continue. D'accord. Alors maintenant je passe à une période plus contemporaine. Dans le, maintenant je vais vous parler de... Peut-être que certains le savent, mais la vigne française a subi des graves soucis à la fin du 19e. Alors le premier de ces trucs, ça fut le mildiou. Et après il y a eu le phylloxéra. Et en fait, si vous voulez, on a remplacé les vignes françaises par des vignes américaines. Oui, en plus. D'accord. Et ça, on le sait pas trop. Et du coup, à l'époque, qu'est-ce qu'ils firent les gens d'après vous? Parce que bon, faut pas trop. Ils boycottent. Hein? Ils boycottent. Un peu plus coquin que ça. Ils crament. Un peu plus coquin que ça. Mais d'après ils toi. Ils fument? Bah, non, ils ont fait, d'après toi, des mélanges. Ah. Donc en fait, ces deux ravages viticoles eurent des conséquences sociales importantes. D'autant plus que la pénurie provoqua des fraudes. Les vins de terroir furent coupés. Avec ceux d'autres régions, et certains négociants allèrent jusqu'à fabriquer des vins artificiels. Je sais pas comment c'est possible. Et là, c'est pareil, j'ai bossé que des petites anecdotes comme ça. Ils doivent couper. Ils doivent tout couper. Avec de l'eau. Devine. Comme la villageoise. Oula, ils coupent avec de l'essence. Calimero, c'était le pseudo qu'on faisait. Après, si vous voulez, il y a aussi la. Alors, petite anecdote, avec la canicule de 2003. Les vendages débutèrent dans certains domaines cette année-là avec. Non, à la mi-août, soit avec. 4 semaines d'avance. C'est ça, un mois d'avance. Des vendages très précoces qu'on n'avait pas vu depuis. Accrochez-vous. 1320. Presque 1422. Ah, et 1865. Donc, une année quelque peu exceptionnelle. Mmh. Une année d'ailleurs tellement exceptionnelle que les vieux sont morts. Dis ça. La canicule. Mais évidemment. Il a fallu boire de l'eau. Mais... 2003. À jamais dans nos cœurs. Combien il y en a qui ont eu l'héritage à cette époque? Le trou de la non. Sécu. Ah ben c'est sûr que Marisol Touraine, elle peut pas le refaire le coup là. Et papa là. Donc, le Bourgogne viticole couvre 30 000 hectares au total à peu près. Donc à peu près 27 000 en production. Et 27 000 en AOC. Ça s'étend à peu près sur 1000 communes quand même. Et ça représente 1,5 million d'hectolitres. Soit 20 millions de bouteilles. Commercialisées chaque année, bien évidemment. Alors, assez bizarrement, pour le Bourgogne, il y a 60% de blanc, 30% de rouge, et à peu près 8% de crémant. Voilà. Rosé. Non, le rosé faisait partie, pardon, des 30% de rouge. Je me trompais. Au total, en 2011, la Bourgogne peut produire 1413 vins différents, toutes appellations, dénominations et couleurs confondues. Pas mal, hein. Ça va, ouais. Le temps que tu fasses le tour, t'attends d'être pochetron. Hein. Ah, c'est pas le dernier bar à la fin du monde. Hein. Tu fais pas le marathon. Tu fais pas le marathon. Tu fais pas le marathon. Allez, et maintenant on passe au cœur du sujet. Ah, le cul. Même si à la fin il y a un petit dossier avec les prix des bouteilles, vous allez voir que il y a quoi faire. Donc, Rudy Kurniawan, donc du coup, 37 ans, a été condamné à rembourser à hauteur de 21 millions d'euros environ, et encore c'est qu'à 8 acheteurs, je crois, 8 ou 10 acheteurs, qu'il avait trompé entre 2004 et 2012. Considéré comme l'un des 5 plus grands collectionneurs de vins au monde, il a été condamné jeudi à 10 ans de prison, tout de même, ferme, pour avoir vendu des vins de Bourgogne de contrefaçon. C'est une première dans le monde du vin qui pourrait avoir un effet dissuasif. En effet, les vins de contrefaçon représenteraient, je ne rigole pas, 20% du commerce mondial. Quand même. Oui, donc on se fait souvent. Genre c'est un vin de Bourgogne qui vient de Bourgogne. Une fois sur 5, tu te fais intuber quand tu bois du vin, quoi. C'est ça. Bon, autant acheter de la villageoise sous le temps. Voilà. Quoique, quand si t'achètes deux bouteilles de vin nouveau, tu t'es fait niquer à 200%. Tu sais ce que t'achètes. Ah oui, c'est sûr que tu sais que tu vas bouffer du... Le vin nouveau, c'est pareil, tu te fais intuber à chaque fois. Sachant qu'au restaurant universitaire, on avait du vin nouveau, mais on n'a pas osé le tester. Ils vendaient des bouteilles de vin nouveau édition rue, restaurant universitaire. Le vin restaurant universitaire, voilà, déjà. Et que les étudiants qui sont chauds qui peuvent. Oui, déjà le vin d'habitude. Non, mais c'était que côté enseignant. Ah, d'accord, ouais, en plus. Pas côté étudiant, attends, faut pas déconner. Je veux dire, les étudiants sont chauds pour goûter ça. Ah, bah là, ça se vend comme des petits plats côté étudiant. Ça va être du vinaigre, là. Ils ont pas de palais, de toute façon, ces étudiants. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais et pas de dépalais. Pierre. Enchaîne. L'identité de Rudy Kurniawan a toujours été douteuse. Ah. Il se disait parfois indonésien, parfois chinois d'Indonésie. Lors d'une interview au Los Angeles Times en 2006, il évoque une fortune familiale alimentée par la distribution de bière en Indonésie et en Chine, qui lui rapporterait, grosso modo, 1 million à 2 millions d'euros par mois. Oh, bon, c'est l'argent de prochain, il a appelé ça. Oui. J'aimerais avoir le même argent de prochain. C'est pour arrondir les fins d'un mois. C'est ça. Rudy Kurniawan menait bien évidemment la grande vie, dépensait des millions de dollars par an, collectionnant les montres, les voitures et les œuvres d'art. Tu vas se faire chier, autant pas s'emmerder. Il y en a qui font les timbres, il y en a d'autres. Ouais. Voitures. Il accumule surtout les dettes pour rester dans le cercle très privilégié qu'il côtoie depuis ses 24 ans. Parce que vous allez voir qu'après tout à l'heure, que le vin de collection, ça coûte un peu cher. Les premiers soupçons remontent à 2006, où lors d'une vente aux enchères historiques, qui atteint les 24 millions d'euros tout de même. Certains acheteurs sont sceptiques sur la qualité des crus proposés. Mais c'est en 2008 que le faussaire indonésien sera rattrapé par les mensonges. Rudy Kurniawan a alors essayé de vendre aux enchères un lot de 84 bouteilles de Clos Saint-Denis du domaine Ponceau. Petite bouteille, je vous l'annonce. En Côte d'Or datant de 1947 à 1972. Une grave erreur, puisque le domaine n'a commencé à mettre en bouteille ce vin à partir de 1982. L'erreur de débutant, faut toujours qu'il y en ait une. Hein. Ouais, je crois que il y a un truc. Alerté par un spécialiste viticole, le propriétaire du domaine, Laurent Ponceau, bien évidemment, débarque à New York pour la vente et obtient que les bouteilles soient retirées des enchères. Autant te dire, le malaise était total. Hein. Déterminé à mettre à lumière un réseau de vins contrefaits mondial, Laurent Ponceau, donc notre cher vigneron bourguignon, mène alors sa propre enquête sur l'homme d'affaires indonésien. Il travaille en direct avec le FBI tout de même, qui boucle le dossier en 2012. Pénétrer dans les domaines viticoles bourguignons est une chose très difficile. C'est impossible de capter toutes les subtilités de la Bourgogne sans y avoir baigné. Je suis persuadé qu'il avait un associé en Bourgogne, avait déclaré Laurent Ponceau dans un entretien accordé au Monde en 2013. Ce dernier a même déclaré à France 3 Bourgogne vendredi qu'il écrirait un livre sur cette histoire. Vous pouvez, c'est quand même assez rocambolesque. Je suis sûr qu'il y aura même un film dessus. Bah, d'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle Raisin en mer, et c'est là où j'ai découvert cette histoire. Qui est assez rocambolesque en fait. Ça s'appelle Le Raisin de la colère. Avec Harry Fonda. Et en fait, ils ont. Alors, en fait, si tu veux, chez lui, ils ont retrouvé plein d'étiquettes et plein de bouteilles contrefaites, sauf que. Laurent Ponceau, il a calculé, il fallait 40 minutes, à peu près une heure ou deux heures, je crois, pour falsifier une bouteille. Et quand tu voyais le taux de bouteilles qu'il avait vendu, c'était pas possible qu'il ait fait tout seul. Sauf que, il est tombé tout seul. Voilà. Parce que quitte à faire, autant pas s'emmerder. Et d'ailleurs, le réalisateur du film, quand on lui a posé la question, on lui a posé une question assez rigolote. Alors, on lui avait fait, avez-vous eu l'occasion de goûter l'un de ces vins très chers? C'est autant vous dire, quand tu vois le prix des bouteilles, tu blanc. Ce qu'on va voir tout à l'heure. J'en ai jamais bu le nectar d'une de ces bouteilles, incroyablement hors de prix, mais j'ai déjà goûté du vin cher. J'ai d'ailleurs vite remarqué qu'il est extrêmement complexe de déterminer le goût, mais surtout la valeur d'un vin. Pour moi, les nuances dans le segment haut de gamme sont difficiles à distinguer. Je fais l'impasse sur tout ce qui coûte plus d'une centaine d'euros, c'est déjà pas mal. Dans le film, ce que je voulais aussi montrer, que la dégustation et le goût dépendent fortement du contexte. L'homme est très influençable et le documentaire montre toute la faiblesse humaine. Parce que si tu veux, à un moment, il te montre le rapport dans le documentaire Raisin Amer, le rapport entre l'arnaqueur et l'arnaqué. Mmh. Si tu veux qu'à un moment, quand tu te fais arnaquer par quelqu'un que tu appréciais, tu te dis pas non, mais il m'a arnaqué. Ça a moins de valeur ou de. Tu n'arrives pas à galvauder la valeur des trucs qu'il t'a donné. Du coup, à un moment, le gars débouche une bouteille qui coûte je ne sais plus combien. Un petit 20 000 balles, tu vois. Donc, c'est une petite soirée tranquille. On sort une petite bouteille à 20 000 balles, tu vois. On se la débouche tranquille. Il a fait boire à des gens. Il y a un gars qui arrive. Il l'a fait boire, c'est dans un bar tout à fait traditionnel. Le gars arrive, il fait. Il repose le verre, il fait. C'est pas ça ton truc là. Non, non, mais c'est vrai, hein. Non, mais ton truc, c'est pas ça là. C'est pas ça. Et l'arnaqueur était persuadé que sa bouteille était une vraie, tu vois. Mmh. Alors que visiblement, la véracité de. Ce qu'il buvait était loin d'être approuvé, tu vois. Surtout que bon, pour savoir si c'est bon, faut déjà l'avoir goûté en plus. C'est ça. Faut l'ouvrir. Faut déjà avoir l'ouvrir, voilà. Et il le montre, toi, qu'ils font des soirées où les gars lâchent 200. Donc on est sur le problème du chat de Schrödinger. Mmh. Ouais. Voilà. Et là, tu vois, le vin de Schrödinger. Ouais. Est-ce que le vin est vrai ou faux? Tant que tu n'as pas ouvert la bouteille, tu ne sais pas. Il est dans les deux états à la fois. Mais une fois que tu as ouvert la bouteille, tu perds la valeur de la c'est bouteille. Ça. Mmh. Oui, voilà. Et surtout que les gars se font juste des petites soirées où les gars lâchent l'équivalent du prix d'une baraque. Oui. Donc. Et d'ailleurs, pour vous trouver ça. Une baraque pour nous, hein, pas pour eux. Hein ah oui, non, mais non, le prix de leur baraque à eux. Alors là, par exemple, bon, je vais vous va gagner du temps, hein, je vous fais on est à 1h30. 1h30, ouais, on est bon, alors. Je vais vous demander à peu près, pour le classement 2016, le prix d'une bouteille de domaine de René Conti, quand même, grand cru. J'ai trouvé, c'est bon. Je vais vous demander à peu près le prix moyen et le prix maximum dans lequel on a pu trouver la bouteille. La bouteille de deux. Alors, prix maximum, 20 000 euros. Oh, tu es loué. Loin moins ou loin plus? Tu peux. C'est un multiple unitaire, ça va. C'est pas un multiple en 10, mais. Un multiple unitaire. 20 000 euros, faut pas partir dans les 100 000. C'est 40, 50. Un peu plus? 60. 60 000 euros la bouteille. Mais c'est pas unitaire. Ouais. Mais c'est pas du 10 fois plus. Ah, c'est pas tu rajoutes pas un zéro. Voilà. D'accord, non mais moi je suis con. Tu trines pas. Parce que par exemple, tu vois, il y a un vigneron à une époque. Il y a un vigneron à une époque, il avait vendu. Alors je sais plus où c'est que je l'ai mis dans mon article. C'était aussi très effarant. Il avait vendu un Bourgogne, oui. Il avait vendu le carton, je crois qu'il avait vendu 200 000 euros. Le Bourgogne de Lidl. Ouais, 200 000 euros le carton. On va mettre une bouteille de la villageoise et la revendre en château apéro original. On va marquer millésimé dessus. Ouais. Et autant te dire que les vins de Bourgogne aussi, sur 50 places possibles dans le classement, ils en prennent 40. Allez. Pourquoi s'emmerder? Et bizarrement, les Chinois préfèrent racheter du Bordeaux parce que c'est beaucoup moins cher. Ça laisse pas beaucoup de places au Bordeaux et au Cahors. Et au vin d'Alsace. Et bien, je crois qu'il y a un vin allemand en plus dans le tas. Ben, le seul qu'on veut, c'est un vin allemand. Avec un nom totalement imprononçable, Schwarz-Holgberg, Riesenin, Brockenbier, Riesenis. Mais là, de suite, ah oui, parce que le René Conti, le prix moyen, c'est déjà 11 000 euros. Voilà. Et là, tu vois qu'il y a un gap déjà, avec notre vin allemand. Il est déjà à 7 000 euros. De moyenne, et on tombe à 20 000 euros prix maximum. Et toi, tu peux t'acheter, ça picote avec un peu. Une bouteille, tu peux t'acheter une voiture. Mm. Et tu peux aller travailler avec. Juste derrière, on a du domaine Le Fleuve, qui est à 5 000 euros la bouteille, 11-12 000 euros maximum. On a du domaine Le Roy Mussigny Grain Cru, mais toujours Grain Cru parce que sinon on sait jamais. Ça coûte plus cher si tu mets Grain Cru. Ouais, voilà. On est déjà à 4 900 € la bouteille. Alors que tu t'arrêtes à la bouteille de bière Saint-Félien Grand Cru. Ah bah c'est déjà très bien. Hein. C'est déjà très bien. Tu l'as payé 8 De toute façon, on voit pas la différence. Hein. Nous, on a le palais de merde, on voit pas la différence. Après, il faudra faire un tour quand même pour récupérer des bières au marché de Noël. Tu crois qu'à 10h on pourrait aller faire un tour? On ira demain. On ira demain, on ne pourra plus marcher. Et la bouteille, là, et par exemple la 10e bouteille de ce classement que j'ai pris, dans du domaine Comte Ligère Belair, la Romanée, bon c'est pareil, c'est un Bourgogne, et bien au minimum, elle est prix moyen, elle est déjà à 2 700 €. Oui. Et prix maximum à peu près 5000 balles. Voilà. Oui. Pas de mon nouveau salaire. Ah t'as fini du coup? Mais oui, j'ai un peu accéléré le. Bravo. Voilà, c'était culturel. Tu pourras le refaire. Pas une prochaine fois. Oh, fait chier, bordel! On va avoir la musique? Ah oui! Oui. Ah, du coup, on va passer à la partie musicale. À la partie musicale. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descends du train et gonfle les pneus. C'est fini le jingle. Et maintenant, chantons! Mais là, c'est bon, c'est fini. J'ai même pas eu le temps de. Donc, ouais, donc on reste dans de la musique. Bon, bah, c'est de la merde. Calme. De la musique calme. Mm-hmm. Donc, qui est le groupe s'appelle le Tung. T-U-N-N-G, et ouais. La musique c'est King. Donc voilà, donc une petite musique toute calme. Donc toute alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un bon fin de mois février. Techniquement, si. Bah, on l'a fait jamais en février. Bah après, je sais pas ce qu'il a fêté en février. Bon, bonne fête des amoureux. Ouais, mais elle est passée du coup. Ouais, elle est passée. Ouais, sauf si je sors le jour de la bombe. Ouais, de toute façon, on a personne, alors on s'en fout. Hein. Ça fout, on a personne. Qu'est-ce que tu veux dire par on a personne? C'est triste ce que tu dis. On sait pas, en février, on aura peut-être quelqu'un. Ah, oui, d'ici là. Il y en a un qui espère très fort hein. Autour de la table. Il y en a un qui est en bonne voie. Il y en a un qui est en bonne voie. Chut, ne porte pas la guigne. Ne porte pas la guigne. Chut, pas la guigne. On peut se dire hashtag apéro original ou. Oui, bah retrouvez le podcast sur. At apéro original sur avec Twitter, un sur Twitter. At Azertov, at Gandalf 81, at Azto 81, at Wish 80 ou 31. 31. C'est 31. Ça doit être oui Wish 31. Alors je suis une fois sur Twitter tous les 36 du mois. Non, tous les 3 mois. Dès qu'on enregistre, tu retweets. T'as retweeté oui, tout à l'heure, mais je retweete les épisodes. Mais après. Il est bien ce petit. C'est pour voir des retweets de Tampacha ou de LDLC pour participer au concours. Ouais. Hein. Voilà, hein, merci quoi. At Lucy Raptor, bien évidemment. At Wailu. Ah oui, pardon, merde. Ouais. Vous trompez pas. Vous ne trompez pas. Parce que c'est pas la même personne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un vrai Lucy Raptor. Ah bon? Oui, un vrai Lucy Raptor. Attends, on va chercher ça. Et du coup, bah, on se dit au mois prochain. On se dit au mois de mars. Allez, et à dans 10-15 minutes pour le live. Voilà. Ouais, non, peut-être un peu plus. Voilà. Faut qu'on aille dégueuler d'abord. Venez en live. Quand on sera en live et qu'on enregistrera et qu'on l'annoncera surtout. Souvenez-vous sur Twitter pour être au courant. Voilà. Oui. Voilà. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus. She carried on shoulders like a little king. She is worshipped and adored. Invisibly worshipped and ignored. And no one came looking for me. Oui, mais c'est complètement. C'est pas grave. Hop, il est là et. Ah mon dieu, c'est les gens qui cherchent du coup. Je lance pas. Tu lances le jingle ? Pour le live, on va le faire à la bouche. Là, ça me... Parce que cette fois, j'entends quelque chose. Apéro original. Il y a une bière sur la table. Ah non, merde, des gens qui mangent des chips. Des chips. T'entends ? Des chips. Il y a une bière sur la table. Ah non, non, je tiens un Molinus. La random, c'est qui est bon. On fait les cons entre potes et on s'enregistre parce que c'est marrant. Ça manque de jingle avec des trucs intelligents. Ça manque de jingle avec des trucs de moi à la bouche. Là. Ah oui, mais je les ai pas rajoutés. Parce que je t'en ai emmené les chiens. Oh. Merci, Gadget. Les gens qui disaient sur là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais. On a lancé le jingle donc du coup. Allez, viens, allez, viens, allez, viens, allez, viens, viens. Bientôt viens, les jingles viens, seront aussi en live. Viens. Soon! Soon TM. Sinon, faut enregistrer via Mumble. Non, je déconne. Randall, Randall! Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Mais enfin. Je bouge plus. Et si on danse? Franchement, le Luciraptor t'abuse, hein. Ça se fait pas en direct. Ouais, si je savais roter, franchement, je le ferais. Hein. Allez, moi, je t'ai pété, par contre.